couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 7. Je procède au rappel traditionnel de l'émission. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse email suivante, dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. Nous avons une nouvelle adresse puisque la précédente a été censurée par le gouvernement français, démocratie-participative.info, démocratie-participative.info. N'hésitez pas à faire connaître la nouvelle adresse à vos contacts autour de vous, c'est très utile. Si jamais d'aventure dans le futur, vous voyez que le nom de domaine, c'est inévitable à ce stade, on le sait, n'hésitez pas à écrire donc à l'adresse email que j'ai donnée, pour avoir le nouveau nom de domaine, si jamais vous ne l'avez pas, vous ne savez pas comment vous le procurer. Donc ça, c'est une chose. Pour ce qui concerne le forum EELB, il est toujours en maintenance, pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, donc j'espère que vous comprendrez. Je voudrais maintenant procéder à la présentation des membres de la semaine qui participent à l'émission. Je vais commencer tout de suite avec Zyklombix, qui nous fait le plaisir de participer cette semaine. Salut Zyklombix. Salut Amanda, salut à tous, je vais bien, ça gaze. Oui, ça gaze. Fulbert aussi est avec nous cette semaine, salut Fulbert. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Et cette semaine aussi est avec nous Alex, salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde, bonne émission. Alors avant de poursuivre l'émission, d'entamer l'émission en tant que telle, je vais remercier les donateurs. Vous savez que vous pouvez soutenir Démocratie Participative, le site, l'émission et le forum quand il reviendra, bien sûr, en nous faisant des dons exclusivement en crypto-monnaie. Je crois que le virage crypto-monnaie, surtout Monero, va être un virage qui va se populariser. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans les émissions précédentes à propos de Monero, de ce qui se passe au Canada. Donc, puis là, on voit aussi, avec tout ce qui se passe face à la Russie, que la censure se renforce. Donc, il va y avoir, me semble-t-il, une pression considérablement accrue sur les moyens de financement, les moyens de paiement, et que, en fonction des sympathies politiques plus ou moins affichées, ou des discours politiques plus ou moins affichés des gens, eh bien, il y aura plus ou moins de latitude ou pas de pouvoir accéder à certaines plateformes. J'ai envie de dire que, un peu sur le modèle de démocratie participative, la Russie a subi le traitement démocratie participative, c'est-à-dire en fait ils sont coupés de tous les systèmes de paiement occidentaux, et c'est ce qui va arriver à peu près à tout le monde en Occident même. Je pense qu'il faut quand même maintenant le prendre en considération. Moi j'invite tous les opposants qui s'organisent à basculer vraiment sur Monero. Vraiment. Je crois qu'il faut se défaire très vite des vieilles habitudes, Donc oui, c'est vrai que c'est plus facile et séduisant d'utiliser PayPal, Stripe, par exemple, d'utiliser même des comptes bancaires en fait, hein. Visa Card, etc. Mais il faut comprendre que ça va toucher à sa fin assez vite, entre guillemets, et que il en faudra de moins en moins pour être éligible à à la déconnexion, en quelque sorte. Voilà. Donc, j'invite et j'insiste sur ce basculement vers les crypto-monnaies intraçables, comme Monero, pour idéalement tout moyen de paiement, mais c'est pas toujours facile ou possible. Mais si vous avez besoin de vous financer, vraiment, il est vraiment temps de vous y mettre, quoi. Vraiment, vraiment, il est temps. Donc maintenant, je vais lire les dons, parce qu'on a reçu plusieurs dons. C'est possible d'ailleurs qu'on n'ait pas pu lire tous les courriers des donateurs. Si jamais vous avez envoyé... Alors, il y a une demande de confirmation. Je reviendrai vers lui, c'est Cameron Gaz. On parle beaucoup de gaz en ce moment, d'ailleurs. Il me pardonnera. C'est en cours, mais on est un peu débordé, en gros. Et donc, on reviendra vers lui. Mais j'ai vu il nous a envoyé une nouvelle demande de confirmation du don. On essaye de faire ça au plus vite. Si vous avez des demandes de confirmation et que vous n'avez pas reçu de réponse, s'il vous plaît, renvoyez-nous un courrier pour nous demander confirmation, d'accord? Parce que c'est simplement possible qu'on ait oublié de le faire en raison de l'actualité. Alors, premier courrier des donateurs. Je vous le lis. Je suis venu vous témoigner du don de 0,3 Monero que je vous ai transféré cette semaine en espérant qu'il soit bien arrivé à destination. Alors, il nous a expliqué aussi qu'il a fait un don supplémentaire de 0,1 Monero, donc au total entre 0,4 et 0,5 Monero, donc grosso modo un demi Monero. Merci à lui. Alors, il y a un texte, je vais le lire, hein. Donc c'est Atlantis 27, hein, je salue Atlantis. Donc je regrette sincèrement de ne pas avoir l'occasion d'utiliser les transactions et échanges en crypto-monnaie plus tôt, lorsque la situation était encore calme et paisible, si l'on pouvait encore croire à cela. À l'heure où les gouvernements et institutions bancaires du monde entier sont entrés dans une guerre de diabolisation contre les crypto-monnaies et toute autre forme de monnaie alternative décentralisée, l'emploi des crypto-monnaies telles que Monero est un impératif des plus urgents pour tous ceux qui sont victimes de répression ou de harcèlement financier. Notre dépendance au système monétaire des banques centrales, donc là il fait mention de l'argent liquide, le fiat, hein, a fait de nous des proies faciles pour les groupes de pression liberticides qui nous bloquent l'accès aux services bancaires ou financiers traditionnels. Voilà, donc vous avez compris tout ça. Ça peut concerner d'ailleurs d'autres plateformes, toute une série de plateformes, d'ailleurs, franchement. Donc il est désormais grand temps de faire sécession physiquement, mentalement, matériellement et spirituellement avec ce nouvel ordre mondial, technocratique et néo-bolchevique, qui nous a déclaré une guerre à mort. Tous mes encouragements à vous et bonne chance pour l'accomplissement de votre cause. Donc, je le disais, c'est Atlantis 27. Merci à Atlantis. Tous ces dons que vous faites nous permettent de continuer si on ne pourrait pas, hein. Donc, c'est sans vous, on n'existerait pas. Si on avait des moyens de paiement plus démocratiques, si on était présent sur d'autres plateformes, on aurait une audience qui serait plus large et on pourrait lever davantage de fonds, évidemment. On pourrait peut-être même se payer des 4x4, allez savoir. Et là, on est davantage dans les souterrains, dans les égouts, en train d'essayer de résister. C'est une résistance souterraine, effectivement. C'est un peu moins sexy, mais grâce à vous, grâce à tous nos donateurs, dont une grande part sont anonymes et ne nous écrivent pas, eh bien, on peut continuer. Merci à vous, vos dons sont très importants. Deuxième don, salut à l'équipe. Voici mon don mensuel pour le mois de février. Vivement le retour du forum. Oui, c'est Mélas Autocrator, un démocrate participatif. Oui, merci Mélas. Oui, vivement le retour du forum. Je l'attends comme vous avec impatience. Don numéro 3. Alors, bonjour chers camarades. Je suis un jeune étudiant très récemment rentré dans le monde du travail qui vous envoie une partie du fruit de son labeur pour un montant de 0,63 Monero. Merci. Merci. C'est la première fois que j'envoie un don et je voudrais savoir si vous l'avez bien reçu. Alors, on enverra confirmation dès que possible. Je vais essayer de continuer à vous envoyer et avec le temps, salaire augmentant, cela devrait être des montants beaucoup plus conséquents. C'est comme vous pouvez, hein, je veux dire. Tous les dons sont acceptés avec la même satisfaction, bien sûr. Si vous évoquez mon message de donateur lors d'une émission, je souhaiterais que vous ne lisiez que la partie qui suit. Alors, je souhaite féliciter toute l'équipe de DP pour le travail que vous fournissez et l'importance que cela représente pour la transmission idéologique de notre combat. Je pense que nous n'avons pas forcément conscience de cela. Soyons honnêtes, nous sommes ultra minoritaires à être des nationaux-socialistes blancs. Pourtant, des hommes et quelques femmes ont dédié toute leur vie, leur temps, leur argent et leur liberté pour cette cause dans le monde post-45. Le bilan de tous ces sacrifices n'a eu clairement aucun impact réel sur notre société, laissant notre camp dans une marginalité à laquelle nous sommes toujours assignés. Néanmoins, nous sommes là, il y a toujours des nationaux-socialistes et des défenseurs de la race blanche en 2022, et cela n'aurait jamais pu être possible si tous les NS avaient réellement disparu en 1945. Nous serions bloqués dans notre ignorance, ne comprenant pas le monde qui nous entoure, espérant être sauvés par un nouveau bouffon de la démocratie qui se présenterait comme le renouveau politique. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons notre doctrine, nos héros, nos martyrs, nos références, notre héritage culturel et mémoriel. Nous avons le droit de posséder tout cela au même titre que nous avons le devoir de le transmettre. Il s'agit de notre guerre du feu. Le Führer a fait un véritable... il a initié un véritable brasier qui ne représente aujourd'hui que quelques flammettes ridicules, mais nous soufflons sur les braises, et un jour, une simple étincelle suffira à raviver le feu sacré que les premiers indo-européens divinisaient. Je pense, chers camarades, que nous sommes aujourd'hui très loin de la victoire, mais il faut voir à l'échelle de la race. Dans 200 ans, les Blancs seront forcément nationaux-socialistes, ou ne seront plus. Cela peut être frustrant d'imaginer ne plus être présent pour la victoire des idées auxquelles vous avez ou nous avons dédié nos vies, mais en faisant vivre notre idéal, nous devons être réconfortés de pouvoir être les acteurs indispensables de sa réussite. Je vous tends le bras pour la race, pour la victoire, c'est Kyle. C'est signé Zabralisator. Alors merci à Zabralisator pour son courrier inspirant. Revient un peu aux fondamentaux finalement du combat. C'est important effectivement de recontextualiser, de voir le temps long plutôt que l'immédiateté, surtout l'immédiateté démocratique. Donc je le remercie bien sûr. Je partage pas vraiment son pessimisme en disant ça dépend ce qu'on appelle NS, etc. Parce que bon, les termes peuvent être un peu, un peu mouvants, ou les conceptions, enfin les définitions peuvent être un peu mouvantes, les taxonomies peuvent être un peu mouvantes. Mais on va dire que les combattants qui veulent défendre l'intégrité biologique du peuplement européen sont quand même nombreux. Je crois d'ailleurs que nous sommes au début d'un renouveau, à mon sens, plus que d'une fin. Je crois que la fin, là, c'est la démocratie qui est en train de crever, et je m'en félicite. Donc, je partage pas exactement le pessimisme du moment, mais c'est vrai que, bon, quand on est dans le contexte français, on peut effectivement tirer la langue face à ce qu'on subit au quotidien. Je le conçois vraiment facilement. Merci à tous les donateurs, encore une fois. La tête haute, hein, faut pas se laisser abattre. Je vous dis que nous allons vers des temps aventureux et il faut se préparer. Ça y est, on y entre maintenant à toute vitesse et c'est exaltant et je m'en félicite. Nous rejoint dans l'émission Diabolix. On lui passe le salut à Diabolix. Salut Diabolix. Salut à tous. Alors, rubrique numéro 1. Autisme radical. Alors, c'est un peu circonstancié puisque c'est lié à l'actualité qui se passe en Ukraine, en Europe de l'Est d'une manière générale. Alors, on a un petit peu la redite des réfugiés syriens. Alors, c'est un peu la même chose. Alors, c'est Paris-Normandie. Donc, on est en Normandie, attention. Hein. On est dans le bocage normand. Et alors, on accueille les premiers réfugiés ukrainiens. Vous savez que ça, c'est un peu ce grand mouvement de sympathie en faveur des réfugiés ukrainiens. D'ailleurs, à titre personnel, j'ai de la sympathie pour les Ukrainiens qui sont contraints de fuir les zones sinistrées par les affrontements, bien sûr. ça change des nègres, en fait. Mais pas tellement. C'est tout l'objet de cette rubrique. C'est-à-dire qu'en théorie, j'aime les Ukrainiens et j'aime les réfugiés ukrainiens. Mais là, en fait, il s'est passé des choses en Ukraine. Alors, je ne vais pas dire que ça a les proportions de la France, parce que ce serait malhonnête, quand même. Mais il se passe des choses, vous voyez. Et ça, c'est la réédition de la Syrie. Alors donc, les gens, ils sont là, ils veulent accueillir, évidemment, éventuellement, des gens qui fuient l'Ukraine. Puis on fait connaissance avec les Ukrainiens. Et la presse nous présente les Ukrainiens. Alors Paris-Normandie nous présente les premiers Ukrainiens qui arrivent en Normandie. Alors je lis, l'article est payant malheureusement, donc j'ai pas la totalité, j'ai juste l'introduction. Alors voici, Ghana et Youssouf. Donc vous avez pas besoin de la photographie, chers auditeurs. Ghana et Youssouf ne veulent pas se plaindre. Dieu merci, ça va. Ils ont mis un toit pour dormir, celui de la résidence de l'Espage à Val-de-Reuil, et de quoi subvenir à leurs besoins, grâce à l'action des autorités et des associations locales. Et ils y resteront autant de temps que nécessaire, ajoute la ville de Val-de-Reuil. Alors, autant de temps que nécessaire, moi j'évalue ça à peu près autour de 60 à 70 ans environ, hein. Le temps pour, Ghana et Youssouf, hein, qui c'est un couple en fait, hein. Donc c'est un gros nègre, hein, c'est un très gros nègre, avec une femme voilée, mais je ne pourrais pas vous dire, elle n'est pas noire, hein, je peux pas décrire, je sais pas exactement, je serais incapable de vous dire tout. Alors ce sont des réfugiés ukrainiens, hein, c'est les premiers, donc le titre, hein, les premiers réfugiés ukrainiens arrivent donc en Normandie. Hein. Donc les premiers réfugiés ukrainiens s'appellent Youssouf et Ghana. Je crois que, sur la base de la jurisprudence syrienne, nous allons recevoir énormément de réfugiés ukrainiens du Congo. Je crois que ça va se préciser, tout ça. Qui viendront pas nécessairement, d'ailleurs, de l'Est. Hein, je pense qu'on va avoir beaucoup de réfugiés ukrainiens qui vont passer par l'Espagne, qui vont passer par l'Italie, du Sud, par la Sicile, etc. Voilà, enfin... des périples un peu bizarres, et ils auront des phénotypes dont on n'avait jamais entendu parler pour l'Ukraine, mais ce sont des Ukrainiens, ceci étant dit, hein, attention, hein, pas d'attaque contre l'identité ukrainienne, hein, l'Ukraine est une démocratie, donc ce sont des vrais Ukrainiens, et je dirais même plus, ils sont peut-être plus Ukrainiens que les Ukrainiens, hein, j'irais presque jusque-là. Un petit tour de table autour de... Parce que, alors, je précise aussi, parce que j'ai des amis, il va se reconnaître, hein, j'ai notamment... un ami qui m'en faisait part, ils sont établis dans les pays baltes, j'en dis pas davantage, bon, voilà. Et alors sa moitié avait des papiers à faire, je crois, je sais plus où, et donc elle était dans un bâtiment à caractère administratif, et arrivaient les premiers réfugiés ukrainiens, et alors la première réfugiée ukrainienne qu'elle a vue, c'était une blanche avec un aigrillon dans les bras. Authentique, hein. Alors, je ne vais pas dire que c'est le cas pour toutes les Ukrainiennes, attention. Hein. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas de quoi, de comment. Mais il y en a plus que ce qu'on croit, en fait. Alors, c'est peut-être parce que c'est les premiers qu'ils ont mis dans les bus. Je ne sais pas exactement. Mais depuis que le juif Zelensky est au pouvoir, visiblement, ça avait quand même, ils n'ont pas chômé, quoi. Hein. Même avant, visiblement, ils avaient quand même invité pas mal d'étrangers dans le pays, et ils sont en train de partir. Alors, je dis bien, je précise, je veux pas caricaturer, je veux pas qu'on me fasse dire ce que je dis pas. Non, les Ukrainiens ne sont pas des nègres, d'accord. Voilà, donc il faut pas me faire dire ce que je dis pas. Mais quand même, hein, il y en a. Hein. Voilà. Et puis il y a eu tout le pataquès aussi, que vous avez pas pu louper, qui a choqué les Français. Les Français ont été choqués. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'est tout le pataquès avec l'histoire des nègres qui essayent de quitter l'Ukraine pour venir en France, en fait. Leur patrie, leur véritable patrie. En disant, mais c'est scandaleux, on n'est pas traité prioritairement parce qu'on n'est pas blanc, etc. Et en fait, ça a été le sujet pendant au moins la bonne moitié de la semaine. Là, ça a été pratiquement le sujet principal, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une guerre qui intervient en Ukraine. Donc avec des implications considérables, etc. Il y a des réfugiés ukrainiens, il y a des populations qui bougent, etc. et les médias français se sont fixés sur un truc, c'est le racisme des Ukrainiens qui aurait tendance visiblement à évacuer leur peuple avant les nègres, avant les métèques de toutes couleurs, blablabla. Bon, voilà, ça c'était assez magique. Donc les procès en racisme qui ont été adressés à la population ukrainienne par les médias français et surtout par les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français sur Twitter qui étaient choqués. Hein, donc des musulmans, des Africains, tout ça, enfin, qui sont en France, hein, je veux dire, et qui étaient choqués par le traitement de leur congénère infligé par les Ukrainiens dans les gares, etc. Je pense que vous avez suivi cet épisode, voilà. Donc voilà, donc deux choses, hein, donc les premiers réfugiés qui arrivent, décrits par Paris Normandie, merci à la presse régionale, et le scandale du racisme en Ukraine. Qu'est-ce que vous voudriez me dire là-dessus ? Ah, effectivement, si les peuples slaves sont aussi foncés, là, il va falloir retrouver de nouvelles notions de, je sais pas, de raciologie ou d'ethnologie. Là, c'est un petit peu compliqué, mais oui. Sinon, je voulais parler un peu des normies qui affichent des drapeaux ukrainiens en mettant I love Ukraine, etc., qui n'ont jamais foutu les pieds, qui ne savent même pas où c'était il y a quelques semaines, il y a quelques jours même. Mais là, s'ils voient des Ukrainiens racistes, alors vont-ils être cette fois en défaveur de l'Ukraine, ou bien s'ils voient des Ukrainiens noirs, vont-ils être encore plus en faveur de l'Ukraine, agressés? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les vrais Ukrainiens qui doivent quitter les bombardements, on a une pensée pour eux, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, les nègres ukrainiens, on ne les voit pas dans les nombreuses photos de combats et de combattants qui passent dans la presse. Non, c'est bizarre d'ailleurs, parce que j'ai vu des annonces, donc il y a les Ukrainiens qui vivent à l'étranger, qui rejoignent leur pays pour se battre. Et alors les nègres, c'est bizarre, ils se cassent. C'est bizarre, hein ? Il y a quand même des redondances, hein, je veux dire. C'est-à-dire, dès qu'il s'agit de... Parce qu'on nous avait expliqué, hein, en France c'est pareil, hein, que les nègres et que les arabes ont reconstruit la France. Et en fait, dès que ça commence un petit peu à dégénérer, à devenir dangereux, ils fuient comme des rats quand même, hein, un petit peu. Il y a quand même une redondance de ce côté-là. Et les réfugiés ukrainiens sont surtout des réfugiés, des vrais réfugiés. Enfin, c'est des familles, quoi. Hein, c'est essentiellement, ou des femmes, des enfants, quoi. Je veux dire, c'est des réfugiés, quoi. Voilà. Ça nous change parce que moi j'étais habitué aux réfugiés de SOS Méditerranée, etc. C'est-à-dire, tu sais, des mecs de 30 ans. Tu vois, avec des Nike, des iPhones, qui dealent du shit, quoi, tu vois, ou de la dope, d'une manière générale, et qui te regardent au coin de la rue en te crachant dessus, tu sais. J'étais habitué à ces réfugiés-là, quoi. Donc j'avais un peu perdu la notion de réfugié. J'ai un peu l'impression que c'est une espèce de cours de rattrapage pour réapprendre le français, en fait, c'est pour revenir aux définitions. Tu vois, c'est assez bizarre. Enfin bon. Voilà, il y a quand même un truc. Mais voilà. Alors, mais la presse française, la presse régionale insiste. Hein, non, mais imaginez quand même, quoi. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant des nègres, quoi. Voilà, les premiers Ukrainiens arrivent, c'est des nègres. Paris-Normandie. Il y a beaucoup mieux, Gandalf. Il y a beaucoup mieux. En fait, l'Ukraine a accueilli des réfugiés. Et certains de ces réfugiés se sont vus proposer la nationalité ukrainienne. Alors, il y a un petit souci en Ukraine, c'est que tu peux pas faire comme en Israël, c'est-à-dire avoir 250 passeports différents. Si tu choisis la nationalité ukrainienne, tu dois renoncer à ta précédente nationalité. Donc, on s'est retrouvé, notamment à Kiev, avec des bougnoules et des blacks qui ont adopté la nationalité ukrainienne, renoncé à leur ancienne nationalité et qui maintenant se voient gentiment incités à rejoindre l'armée nationale ukrainienne pour aller au combat. Ouais, alors ça... C'est là qu'il y a un petit souci parce que les types sont en train de gueuler auprès de leurs ex-ambassades respectives en disant « mais c'est dégueulasse, moi je suis pas arrivé en Europe pour rentrer dans une guerre ». Tu veux dire qu'ils étaient venus en Ukraine pour les jolies blondes et éventuellement faire quelques divers trafics, hein, c'est peut-être pour ça. Et puis maintenant, pour ouvrir des boucheries cachères, des boucheries halal, enfin bref, pour le développement mondialiste dans toute sa splendeur, qui était promis par les Ukrainiens, hein, soyons très clairs, le gouvernement de Kiev est tout à fait multiculturaliste. D'ailleurs, comment dire, en Hongrie, tu as des Tatars, tu as un petit peu toutes les ethnies. Donc voilà, mais ça marche pas comme ils le voudraient. On leur a proposé de rejoindre l'armée nationale ukrainienne, de prendre un fusil d'assaut, un joli petit uniforme très très sexy et tout, mais ça ne leur va pas. Non, c'est pas le tempérament des nègres et des arabes, hein, de défendre un pays de koufars. Hein. Voilà, non, mais c'est... Voilà, donc je pense qu'il faut s'accoutumer un petit peu hein, aux réfugiés d'Ukraine noirs, en tout cas dans la presse régionale. Je pense qu'il faut faire confiance au travail journalistique français pour bien envoyer les bons messages. Mais il y a vraiment une discussion. Moi, je suis ça avec... À ce stade, c'est de la fascination. Hein. Moi, je suis fasciné. Hein. Je pense qu'il faudrait... Je sais pas, pour la postérité, il faudrait que les Chinois, dans leur département de sciences humaines, créent un truc juste là-dessus. La culture française après l'élection de François Mitterrand. C'est 1980, et puis vous mettez un tiret jusqu'à ad vitam aeternam. Quoi. Juste pour étudier, en fait, la folie collective. Quoi. Voilà. Donc, ça mérite vraiment, parce que on a quand même des débats... Enfin, les débats français sur... Donc, vous avez cette guerre, vous avez des mouvements de population à chaque fois qu'il y a une guerre. Et en fait, la thématique en France, qui a ressurgi tout de suite, hein, c'est le racisme des Ukrainiens qui ne laisse pas les nègres fuir. Quoi. Donc, mais il y a beaucoup plus fou. Oui. Il y a beaucoup plus fou, Gandalf. Parce qu'en fait, quand tu vois les photos de ce couple, d'abord, c'est un couple. Les gens qui sont ukrainiens avec un passeport ukrainien, et je le dis très honnêtement, il est tout à fait possible que ces deux-là aient des passeports ukrainiens. En ce moment, ceux qui arrivent le long des frontières de l'Ukraine, ce sont des femmes, des enfants et des vieillards. Oui. Parce qu'il est rigoureusement interdit aux hommes en âge d'être mobilisés de quitter le pays. Donc, si effectivement le type qui est repris dans la photo a un passeport ukrainien, c'est un déserteur. C'est un déserteur. Et si c'est un déserteur, je te laisse imaginer en droit international la position de la France et surtout la position de Paris-Normandie. Parce que aider un déserteur, c'est du pénal et ça coûte très cher. Ouais, alors il n'y aura pas de sanctions, mais ça devient marrant parce qu'effectivement, ils appellent les volontaires étrangers, donc en fait les Blancs, hein, à aller se battre là-bas pendant que tu as les Nègres, éventuellement un passeport ukrainien délivré dans on ne sait pas quelles circonstances, sont en train de se débiner sous les acclamations de la même presse qui appelle les autres à y aller. Donc ça devient un peu rigolo. Quatrième dimension occidentale, hein, on est bien dans la démocratie juive, tout est en ordre. Voilà, bon, alors, je voulais parler un peu de ça. C'était pas pour parler des réfugiés ukrainiens, c'était pour parler de la presse française hein, que j'ai amené ce topic là. Je veux dire, enfin la presse française, je le dis, hein, c'est de la fascination, hein, ça exerce une fascination sur moi, voilà. Donc voilà. Mais sachant ce qui vient d'être dit, j'ai vu passer une nouvelle qui disait que, avec photographie, que des étudiants noirs qui se trouvent en Ukraine étaient virés d'Ukraine et rentraient chez eux. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, ouais. Déjà le concept d'étudiants noirs étant assez novateur. Oui, et donc moi je pense que ce qui a été dit maintenant, c'est que ces gens n'avaient pas la nationalité ukrainienne et qu'en fait ils n'étaient pas virés d'Ukraine. Mais comme les étudiants se trouvent fort logiquement dans les villes, je pense que ces gens ont demandé, ou bien on les a priés, si vous voulez, bon, vous pouvez vous tirer et rentrer chez vous. Mais pour la presse occidentale, ils ont été virés. Oui, tout à fait, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Il y a eu énormément d'Indiens aussi. Ouais. Mais cette flux d'étudiants noirs montre que, tout comme les autres volets que vous avez soulignés, c'est l'incorporation d'un pays à Zog, c'est un paquet. Je veux dire, a priori, qu'est-ce que des étudiants noirs ont à foutre dans des universités en Ukraine? C'est absolument absolument étonnant. Je veux bien qu'il s'amuse à être à La Réunion, en Guyane ou même en France, hein, sait-on jamais, dans la deuxième ville du Mali. Mais en Ukraine, qu'est-ce que viennent foutre des ayants noirs? C'est forcément, encore une fois, des politiques de quotas, de facilitation, d'aide. Et on sait très bien que, même produisant les mêmes effets, le but étant que la moitié de ces étudiants ne repartent pas, fassent souche et polluent l'Ukraine comme le ferait la marée noire d'un pétrolier échoué. De plus, il y a fort à parier que l'Ukraine, étant sous contrôle juif déjà, et ensuite tournée vers l'Union européenne, il est un fait que la propagande en Ukraine doit être aussi diabolique qu'elle ne l'est dans les pays d'Europe occidentale. Et donc, le nègre est roi. Il n'y a pas à chipoter. C'est ce qui explique la présence de, finalement, une proportion d'Africains là-bas ou d'Afro-musulmans. La présence en Ukraine avait déjà commencé avec le système soviétique, hein, je veux dire, mais ils n'ont pas décroché, quoi. Hein, et ça s'est aggravé. Moi, j'ai cru comprendre, mais à vérifier, qu'il y avait aussi beaucoup de musulmans qui avaient été installés ces 10 dernières années en Ukraine, sous toute réserve, mais dans le cadre d'accords, en fait, parce que si vous regardez dans la géopolitique de l'Ukraine actuelle, par son opposition, en fait, à la Russie, s'est rapproché de la Turquie d'Erdogan. Il y a pas mal d'investissements turcs, d'ailleurs, en Ukraine. Puis il y a aussi un tourisme sexuel en Ukraine turque, hein. Ça, faut le savoir. Hein. Et c'est pas impossible, en fait, que parce que c'est toujours des accords sous la table, vous voyez, c'est toujours... Il y a des pots de vin, de la corruption, etc. Donc, ce n'est pas impossible que figure dans ce genre d'accord avec la Turquie d'Erdogan l'implantation de musulmans, etc. Parce qu'Erdogan procède toujours de la même façon, je veux dire. En France, on en sait quelque chose. Erdogan contrôle en France environ une myriade de 220 à 230 mosquées turques. À la tête de chacune d'entre elles se trouve un fonctionnaire financé par l'État turc qui est imam, hein, c'est-à-dire que c'est... C'est le clergé d'État turc, le clergé musulman d'État turc, qui est à la tête des mosquées turques en France. 250, c'est énorme, hein, c'est considérable. Hein. Pour, au minimum, un demi-million de Turcs établis en France. Donc, quand on a ça en tête, et quand on voit les déclarations d'Erdogan, je veux dire, en Allemagne, quand il avait fait son meeting à Strasbourg, en disant « faut surtout pas vous assimiler, faites 4, 5, 6, 7 enfants », on va les conquérir, etc. Enfin, je veux dire, Erdogan ne se cache pas du tout, hein, quand il prend la parole en public en Europe. C'est quelqu'un qui appelle à la conquête de l'Europe, absolument, quoi. Quand vous voyez l'Ukraine nouer des partenariats stratégiques, enfin, le gouvernement ukrainien nouer des partenariats stratégiques avec la Turquie d'Erdogan, il faut bien comprendre qu'il y a toujours des conditions. Par exemple, il y a des drones, on parle beaucoup des drones turcs. Qui font ici ou là des bombardements ciblés sur certains convois russes, pour accéder à ces drones, il y a toujours des conditions. Alors, techniquement parlant, militairement parlant, des conditions d'utilisation, c'est-à-dire que le fabricant turc peut interdire l'utilisation de l'arme, en disant, voilà, pas sur cette cible, parce que ça implique l'État turc, donc... pour ne pas incriminer l'État turc dans telle ou telle opération, eh bien, il y a une espèce de droit de veto dans son utilisation. Mais il y a aussi des accords beaucoup plus larges qui accompagnent généralement ce genre de livraison d'armes. Hein, donc c'est peut-être des facilitations financières, des facilitations d'investissement dans tel ou tel secteur, etc. Enfin, tout ça est très compliqué. Moi, je ne serais pas étonné de voir que Erdogan, perdant pas le Nord et sa clique, disent aux Ukrainiens, moi, ça serait quand même pas mal que, quand même, vous accueillez quand même, les musulmans, quoi, hein, voilà, hein, ce serait pas mal, hein, et puis une belle mosquée, une très belle mosquée dans Kiev, une énorme mosquée dans Kiev, ça serait quand même pas mal non plus, vous voyez, ce genre de truc. Parce qu'Erdogan procède exactement de la même façon partout, il construit une énorme mosquée à Strasbourg en ce moment, il a voulu faire la même chose en Roumanie. La méga mosquée, ça a foiré complètement. Ouais, parce qu'il y a une opposition populaire. En fait, c'est le premier ministre de l'époque qui, moyennant des soins gratuits en Turquie au niveau médical, a rétrocédé près du parc des expositions un terrain pour y faire la méga mosquée de Bucarest. Ça a été la levée de boucliers de tous les intégristes orthodoxes, avec procession au flambeau, plantage de croix, enfin bref, la totale. Et alors évidemment, tu as eu tous les médias nationaux qui sont complètement à la solde de l'Europe, hein, il ne faut pas se leurrer, qui ont traité ces gens comme étant des fous, des malades et autres. Le résultat, c'est que le projet a été complètement enterré, c'est fini, il n'y aura jamais de méga mosquée à Bucarest. Par contre, je reviens sur tes explications sur la Turquie, pour un fait que j'ai personnellement vécu, donc il n'y a aucun souci là-dessus, c'est que non seulement Erdogan fait la promotion de l'islam, mais en fait, dans chaque ambassade de Turquie implantée en Europe, tu as une division spéciale qui bosse quasiment jour et nuit sur le sujet. Et donc, je t'explique. J'avais, à l'époque où je croyais encore dans cette espèce de pays qu'on appelle la Belgique et que j'espère voir très rapidement transformé en cendre thermonucléaire, j'avais donc un petit souci avec l'administration fiscale. J'avais consulté plusieurs avocats fiscalistes qui me disaient « Ouais, non, on ne sait pas, c'est compliqué, il faut voir. » Et un jour, je croise un Turc qui faisait partie de mes amis. Je lui explique la situation, il me dit « Viens. » Et on va à l'ambassade de Turquie. Et en fait, à l'ambassade de Turquie, à Bruxelles, tu as un service qui, jour et nuit, étudie la fiscalité belge, les normes européennes, les directives européennes et la fiscalité européenne, et qui te trouve toutes les arguties, les points de droit qui te permettent d'échapper à la fiscalité. Donc en réalité, moi, ça m'a pris un T 20 minutes, j'avais la réponse à ma question, j'ai économisé un paquet de pognon phénoménal. Ouais, tu veux dire que tu as sollicité les Turcs? Enfin, en fait, ils ont une expertise dans le fiscal. Et t'as eu vent de leur expertise, parce que, en fait, ils s'en servent pour défendre leur boutique, et t'as dit, est-ce que vous pourriez m'informer sur tel ou tel truc? Et comme ils sont versés dans toutes les arnaques, etc., ils ont dit, ça se passe comme ci, comme ça. C'est exactement ça. Les gars m'ont enseigné, quelque part, ils ont sauvé ma tête du bio, parce que bon, bah, je crois que tout le monde connaît les administrations fiscales européennes. On sait tous que dès que tu es un indépendant et que tu bosses, tu es l'ennemi public numéro un. Et en fait, ils ont dans chacune de leurs ambassades un service qui s'occupe de leur communauté et qui connaît, mais alors à fond, les moindres failles fiscales pour passer à côté. Ah bah tu vois, comme quoi. Non, mais c'est vrai que c'est entreprenant les Turcs de ce côté-là, il faut le reconnaître. Donc c'est ça que je disais en fait par rapport à la présence d'un million de musulmans. Alors nous, un million de musulmans sur un pays comme l'Ukraine qui fait un petit peu moins de 40 millions d'habitants, ça prêterait presque à sourire, parce que nous on en a plus de 10 millions. Donc c'est presque homéopathique quoi. Mais il faut toujours garder la notion d'échelle. Attention Gandalf, je partage pas ton avis là-dessus. Parce que n'oublie pas qu'en Ukraine se trouvent déjà des communautés musulmanes. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Tu as les Tatars, il y a toute une gamme de gars aux noms particulièrement bizarroïdes qui généralement se sont fait expulser de l'Empire ottoman parce que pas tout à fait appliquant le même islam qu'eux. Et ces gens sont déjà implantés. Donc ne croyez pas que vous arrivez en Ukraine dans une terre exempte d'islam. Ils sont implantés, ils ont leur mosquée et ils pratiquent, mais à la différence de toutes les merdes du Maghreb qu'on peut trouver en France, ils emmerdent personne. Oui, alors moi, les musulmans dont je parle, c'est pas ces populations-là un petit peu charriées par les invasions qu'il y avait eu, parce qu'il y a les Tatars de Crimée, effectivement, dont, sur lequel Erdogan s'appuie beaucoup hein, dans sa rhétorique, par exemple, à chaque fois qu'il parce que pour lui, c'est un peu son pied dans la porte, en fait. C'est-à-dire que évidemment Erdogan, c'est un peu le problème de la Turquie d'une manière générale. Hein. Je veux dire, la Turquie rayonne dans toutes les directions. Donc ils veulent aller à la fois vers le nord, vers la Crimée, vers l'Ukraine. Ils veulent aller vers les Balkans. Ils veulent aller vers l'Égypte. Ils veulent aller vers la Libye. Ils veulent aller vers le Moyen-Orient. Enfin, tout ça est bon. Voilà. Donc ils veulent mettre un peu les pieds un peu partout. Et Erdogan aime bien rappeler ça. Et voilà, les Tatars de Crimée. Donc voilà, il prétend. Bon, c'est pas totalement, infondé de sa part hein, de le dire, mais il prétend être le protecteur des musulmans de Crimée. Pourquoi il dit ça ? Bah parce que comme la Crimée a été annexée par la Russie, il prétend que les musulmans présents en Crimée sont une espèce de population qui lui donnerait un droit de veto sur un peu ce qui se passe dans ce pays-là. Bon. Évidemment, les Russes, ils en rigolent, mais enfin, ça montre un petit peu quand même les intentions, les velléités. Moi, les musulmans dont je parle, ce sont des musulmans d'importation récente. Hein. Attention, hein. C'est pas des musulmans historiques, entre guillemets historiques, dans le contexte ukrainien. C'est vraiment des musulmans d'importation récente. Voilà. Sur la dernière décennie écoulée, visiblement, alors sous toute réserve, et il y aurait sûrement des gens qui auraient des choses à dire là-dessus. Le pouvoir à Kiev en a fait venir un certain nombre, au terme d'accords que j'ignore, enfin, je ne sais pas exactement comment ça s'est monté, mais voilà. Bon, alors, après, encore une fois, évidemment, quand on dit ça à un public français, comparaison n'est pas raison, ce n'est pas la France, d'accord ? Donc l'Ukraine reste très très largement homogène racialement, je veux dire. Mais on voit des directions qui ont été prises ces dernières années par le pouvoir central. Et puis il y a un certain nombre de vétérans de Daesh qui sont venus en Ukraine. Il y avait un article de The Independent, le magazine anglais ou le journal anglais qui avait beaucoup parlé de ça, et notamment l'ancien ministre de la guerre qui est de nationalité géorgienne, Tokashvili ou quelque chose comme ça, qui est sur le territoire ukrainien. Donc il y a des gens très dangereux qui sont là. Donc c'est pas véritablement la quantité, mais c'est, si j'ose dire, la qualité entre guillemets. Alors oui, ça c'est aussi un truc, c'est-à-dire que la politique fondamentale de l'État ukrainien, il n'y a pas vraiment d'État ukrainien au sens où un Français entendrait État, parce qu'un État en France, enfin, l'État extrêmement centralisé, etc. Bon, ça en Ukraine, ça n'existe pas vraiment. C'est un fatras de pouvoirs locaux, d'hommes d'affaires, de ministres, pas vraiment ministres. Bon, c'est compliqué. Mais. Ce qui est sûr, c'est que ce qui unifie un petit peu tous ces centres de pouvoir hétéroclites, c'est l'opposition à Moscou. Bon, ça, on a, en tout cas depuis 2014, quoi, je veux dire, l'opposition frontale, j'entends. Et ce pouvoir-là, ce pouvoir de Kiev, saisit un petit peu tout ce qui ressemble à un opposant anti-russe. Mais quand on dit opposant en Europe, on a tendance à penser, vous savez, des poètes, des écrivains, etc. Bon, là, c'est pas vraiment le cas, t'en as cité, effectivement. Il faut savoir que, parce que, bon, j'ai entendu un peu parler de ça, Poutine a des Tchétchènes, etc. Oui, bon, bah, oui, effectivement, il y a des Tchétchènes en Russie. Bon, c'est. Depuis la Russie des Tsars, on va finir par le savoir quand même. Je veux dire, bon, je sais pas, il y a des gens qui, apparemment, découvrent un peu la structure géographique, ethnique de l'État russe, ça me paraît un peu étonnant, voilà, mais sous-entendu que l'Ukraine serait une espèce d'État raciste blanc, etc., qui ferait face à un État multiethnique, enfin complètement repeuplé de toutes les races impossibles d'Asie centrale, etc. Alors, c'est pas moi qui vais nier hein, la réalité, malheureusement, d'un certain nombre de villes russes depuis un certain nombre d'années où il y a eu un flot d'immigration en provenant d'Asie centrale, et notamment du Caucase. Donc ça, c'est une réalité, il ne faut pas se le cacher. Hein, ça s'est passé sous la direction de Poutine, c'est un fait. D'ailleurs, peut-être pas même de Poutine lui-même, hein, peut-être beaucoup plus probablement de chefs de région, de ministres, au terme d'accords plus ou moins bizarroïdes, un peu sur le modèle dont on parlait avant, hein, je veux dire, avec des accords plus ou moins avouables. Bref. Mais sous-entendu que en fait les islamistes, enfin Poutine, c'est ça que j'ai découvert, que Poutine serait en fait un pro-musulman et l'Ukraine pas. Et c'est quand même fascinant parce que le procès qui a été fait à Vladimir Poutine durant toutes les années 2000, hein, de 2000 à 2010, par toutes les grands, par toutes les belles âmes hein, du Paris Ashkenaz, notamment Bernard-Henri Lévy ou André Glucksmann, etc., c'était qu'il avait sauvagement réprimé les musulmans de Tchétchénie. C'était ça le procès qu'on faisait à Poutine, que c'était un islamophobe. C'était ça qu'on lui reprochait. Et que c'était inacceptable, que c'était odieux de le voir mener la guerre aux Tchétchènes. Et maintenant, en tout cas, dans certains secteurs politiques français, j'entends dire que Poutine, maintenant, est pro-musulman, à la limite pro-islamiste. Et là, je tombe franchement des nues, quoi. Et en nous disant que l'Ukraine, enfin que le gouvernement ukrainien, c'est pas l'Ukraine comme peuple, etc., le gouvernement ukrainien serait un rempart, mais c'est pas du tout vrai. Le gouvernement ukrainien est un gouvernement opportuniste, dont on sait qui est à la tête, hein, et qui a absolument accueilli des islamistes, non seulement de Syrie, qui avaient été évincés par Poutine, et par les Russes, mais aussi des opposants de Tchétchènes. À la direction politique de Kadyrov, et qui sont des islamistes intégraux, je veux dire, vraiment des islamistes dangereux, quoi. Alors, je vais pas dire que Kadyrov est pas musulman, il est musulman, je veux dire, il revendique, etc., bon, voilà, mais ça, c'est leur problème, ils sont en Caucase, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur religion. Mais les gens dont on parle, qui ont été accueillis en Ukraine, et qui sont du même calibre que l'Union Européenne accueillait du temps où Poutine menait son opération militaire en Tchétchénie, je peux vous en parler parce que j'ai connu des gens qui ont été en charge d'accueillir ces Tchétchènes-là. Je peux vous le dire, hein. J'ai connu des gens qui les ont accueillis, les islamistes tchétchènes. C'était piloté par des agents de l'Union Européenne, d'accord ? Donc, et c'était des islamistes, hein. C'était pas juste des Tchétchènes, c'était des islamistes. Eh bien, les pires extrémistes tchétchènes, quand ils sont pas en Syrie, ils sont en Ukraine. Avec le plein aval du gouvernement central ukrainien. Donc, je pense qu'il faut mettre un peu de nuance dans tout ce qu'on entend. Ça fait pas de mal. Hein, pas dire que tout le monde a 100% raison ou 100% tort. Enfin, j'entends des trucs à propos de l'Ukraine, qui sont, enfin, du gouvernement ukrainien, qui sont absolument erronés, quoi. Et comme tu as bien rappelé... Donc c'est la presse britannique, tu parles des indépendantes, c'est la presse britannique, je veux dire, la presse britannique est radicalement anti-russe et anti-Poutine. Donc, bon, je veux dire, quand ils sortent des informations comme ça, c'est vraiment pas... on peut les croire, parce que c'est pas pour flatter un État qui, par ailleurs, est pro-britannique, quoi. Je dirais même que, suivant les courants et les temps dans l'histoire, la presse britannique et l'Angleterre sont généralement anti-européennes, ce qu'on oublie souvent. D'ailleurs, le retrait de la Grande-Bretagne, enfin la Grande-Bretagne, le Brexit, il y a peu, arrive curieusement avant des complications en Europe même. Je crois que tu pointes du doigt un truc très important, il faudra peut-être y revenir, mais il est évident que géopolitiquement, la sortie de la Grande-Bretagne de l'ensemble politico-administratif européen est une incitation considérable pour Londres d'alimenter des brasiers un peu partout en Europe, comme ils ont fait pendant des siècles. Je crois que... parce qu'on a perdu un peu de vue, vous savez, parce qu'on a connu une période un peu anormale dans l'histoire européenne, vous savez, avec cette... après 45, l'idée que la paix est installée, etc., que les rapports entre Européens seront cordiaux, etc. Moi, je suis pour les rapports cordiaux européens, je veux dire. Au contraire, moi, je suis pour l'unité européenne, il n'y a pas de souci. Mais que c'était un acquis, que ça se passait naturellement. Et ce n'est pas vrai du tout. Je veux dire, et surtout quand on s'intéresse aux Britanniques, parce que les Britanniques sont des incendiaires absolus. Là, ils se régalent en Ukraine, les Britanniques. Et vous n'avez qu'à remarquer, alors que c'est un État immigrationniste, je veux dire, la Grande-Bretagne. Hein, je veux dire, ils remplacent agressivement leur peuple. le gouvernement britannique remplace les Anglais de souche dans toutes les grandes villes de Grande-Bretagne, hein, d'accord. C'est ça leur politique, hein, de l'élite britannique. Avec les viols qu'on a vus avec les Pakistanais, des trucs vraiment dégueulasses, parce que on se plaint des Algériens, j'aime autant vous dire que les Algériens à côté des Pakistanais, c'est des enfants de cœur. Hein. C'est des enfants de cœur, hein. Je veux dire, les Pakistanais, c'est... Ce sont des bêtes sauvages, hein. Franchement. Hein. Et donc ces gens-là qui sont des immigrationnistes forcenés se sont pointés en Pologne, ont envoyé des troupes britanniques et prêté main forte aux Polonais pour sécuriser leurs frontières face à la pseudo-crise migratoire qu'avait créé Loukachenko pour se venger de la révolution de couleur qu'avait essayé d'organiser la Pologne et la Lituanie sur son territoire. C'était d'ailleurs pas à l'honneur de Loukachenko, en toute honnêteté. Il s'est comporté franchement sur cette affaire-là comme une crapule. Il a été chercher toutes les races pourries possibles et imaginables en Irak et ailleurs pour essayer de les accumuler à la frontière polonaise. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait, ce qu'il a cherché, ce qu'il a essayé de... Ça devait être un test, à mon avis, diplomatique. Mais la réponse est venue très vite. Les Britanniques se sont pointés pour prêter main forte et pour sécuriser la frontière. Donc, les mêmes qui remplacent leur peuple sont ceux qui déploient des soldats britanniques blancs pour sécuriser les frontières polonaises, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un seul métèque d'Irak qui passe la frontière. Je m'en plains pas, hein, je suis pas pour voir des métèques passer en Pologne, mais je veux dire, c'est vous montrer la duplicité de ces gens. Donc je suis d'accord avec Fulbert, quand vous voyez la Grande-Bretagne se mettre en mouvement, pointer son nez dans des conflits, attention, ça va mal se passer. On les a vus faire en Syrie, depuis la guerre de 100 ans, je veux dire. Donc là, quand vous voyez ces mecs, c'est une mauvaise nouvelle, c'est ça que je veux dire. Quand vous voyez des Britanniques se pointer dans un pays, c'est une très mauvaise nouvelle pour le pays concerné. Il y a eu Roman Abramovich et Boris Berezovsky, c'est deux personnes différentes, mais qui ont toutes les deux qui sont juifs. Alors Berezovsky est mort, mais qui était lui qui dominait quasiment la Russie post-Yeltsin, hein, ou à la fin de l'ère Yeltsin en tout cas, Berezovsky. Mais Abramovich, lui, donc est toujours en Angleterre, mais il a dû prendre la citoyenneté israélienne. Il n'est même plus citoyen russe, je crois. Donc quand on dit les oligarques russes, etc., il faut voir exactement, c'est comme si nous on disait les oligarques français, puis que c'était Rachid, Ben je sais pas quoi, ou Moshe. Non, tu prends Patrick Drahi, tu dis un oligarque français, tu prends Patrick Drahi, ou Niels, machin. Malgré son prénom irlandais, malgré son prénom seul. Voilà, t'es là, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Non mais c'est ça, t'as raison de pointer du doigt ce truc-là, quoi, je veux dire. Quand on dit les oligarques russes, oui mais lesquels, je veux dire. Parce que souvent... Ce qui vaut... Souvent, c'est des Arméniens, des Arbaïdjanais ou des Juifs. Hein. C'est jamais du slave du cru, quoi. Ce qui vaut d'ailleurs également pour Zelensky, c'est-à-dire que Zelensky donc est juif. Donc, vous me direz, on n'est pas, on n'est pas responsable de qui sont nos parents, bien sûr. Mais il aurait, à ma connaissance, il n'a pas fait de mouvement pour se convertir à l'orthodoxie, qui est quand même ultra dominante dans son pays. Donc, Zelensky, en plus, avec ce que l'on sait de lui, ce qu'il a fait à la télévision, en se montrant quasiment nu, etc. Évidemment, vous me direz, mais les Ukrainiens ont voté pour lui. Bon, il faut voir aussi dans quelles circonstances, mais c'est quelqu'un qui donne une piètre image de l'Ukraine. Moi, j'aurais tendance à dire, Zelensky a peut-être des papiers ukrainiens, mais à mes yeux, ce n'est pas un Ukrainien. Enfin, c'est pas, voilà, mais bon. Puisque tout à l'heure, on parlait des histoires de papiers, etc. Bon, il n'est pas tombé là par hasard, faut pas se tromper. Hein. Je veux dire, c'est, hein. Bon, voilà, ça c'est certain, quoi. En tout cas, sur ce que disait Fulbert, l'intervention de la Grande-Bretagne, etc., ça c'est, il faut vraiment suivre ça de près, parce que ils vont réitérer, hein, ils vont allumer des incendies partout, hein, c'est ça la fonction de la Grande-Bretagne juive, hein, la Grande-Bretagne juive, c'est d'incendier le continent européen. Les gens, je crois, il y a au moins quelque chose qu'on peut dire avec tout ce qui se passe là, c'est que voilà, ça y est, c'est maintenant l'Europe rentre à nouveau dans l'histoire. Ça y est, on retourne dans l'histoire. La génération des boomers, en fait, sera pratiquement la seule à avoir connu l'ère de paix, où tout se passe bien, truc mal. Voilà, ça c'est fini. Maintenant, on va rentrer dans du dur, et ça va être va falloir faire des choix, va falloir les assumer. Ça va créer beaucoup de tensions. Et voilà. Hein, mais on y est, quoi. Hein, on y est. Et on va, je pense qu'on va redécouvrir la haine des Britanniques, je pense. Oui. Enfin, par ailleurs, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup la culture anglaise. Il n'y a pas de problème. Mais je parle de politique là. Hein. Je parle de politique. Et politiquement, c'est des crapules, quoi. Hein. c'est des ordures infinies, hein, les Britanniques. Hein. Et oui, n'oubliez pas, pour compléter ce que tu dis sur la diplomatie britannique et les services, etc., que l'interview de Roland Dumas, qui lui-même est quelqu'un d'assez contestable, qui est toujours en vie d'ailleurs à presque 100 ans, mais qui avait dit il y a quelques années que ce qui se passait en Syrie, il l'avait appris déjà maintenant il y a plus de 10 ans, vers 2010 ou peut-être même un peu avant, il l'avait appris par des amis qui sont dans la diplomatie anglaise, des diplomates anglais, qui lui avaient dit « il y a quelque chose qui se trame en Syrie, on cherche à renverser la famille en place, savoir la famille Al-Assad, donc il va se passer des trucs, etc. Bon. » Est-ce que tu veux participer? Oui, exactement, on lui a proposé d'en participer. Donc effectivement, il y avait aussi l'intérêt du Qatar, qui cherchait à avoir un grand pipeline qui passe par la Syrie, mais débarrassé d'une famille Al-Assad qui n'allait pas dans leur sens, pour des raisons politiques et religieuses aussi. C'était aussi l'intérêt de l'État profond américain et des Clinton et tout ça, d'Obama, mais c'était également, les Britanniques n'étaient pas neutres dans l'affaire. Ah, c'est pas qu'ils étaient pas neutres, ils étaient à l'origine. Enfin, ils jouent un rôle central, comme les Juifs, avec l'État d'Israël et l'Amérique, quoi. Et c'est ça qu'il faut pas perdre de vue. Je veux dire, clairement, l'Ukraine, et d'ailleurs, c'est prévu comme ça, parce que faudra y revenir, mais pas dans l'émission, mais il y a un papier du Washington Post, d'ailleurs, qui se veut plus ou moins, un rapport neutre et objectif. Enfin, c'est plus un souhait, mais c'est quand même une information qui explique que, en gros, les services de renseignement occidentaux, CIA, MI6 essentiellement, hein, un peu l'Union européenne, préparent ce qu'ils aimeraient voir devenir une insurrection permanente en Ukraine, donc sur le modèle syrien. Donc il faut bien comprendre ça, il faut avoir ça à l'esprit. On est dans de la géopolitique. On est dans de la confrontation politique. Il n'y a pas d'idéalisme là-dedans. Les acteurs en question qui ont initié cette crise, et c'était l'objectif en fait, hein, n'ont aucune envie de voir l'affaire se clore en un mois et demi, deux mois. Le scénario catastrophe pour eux, ce serait un scénario blitzkrieg, conquête de la Pologne, conquête de la France par Adolf Hitler. C'est-à-dire où l'armée est défaite, le pouvoir civil accepte la défaite, s'organise une coexistence. Ça, c'est le scénario catastrophe pour les Britanniques et pour les Américains, et évidemment pour les Juifs. Pour eux, il faut que ça dure. Et pour que ça dure, il faut faire mourir des Ukrainiens. D'accord ? En pratique, c'est ça. Donc il faut alimenter le brasier en permanence. Il faut des volontaires étrangers appelés par Zelensky. Donc le juif Zelensky appelle des étrangers à venir mourir pour lui et pour son compte bancaire. Il faut chauffer à blanc l'opinion ukrainienne qui est... Je suis d'accord, l'opinion ukrainienne, elle est totalement contre l'invasion russe. Ça. J'entends bien ça, je sais tout ça, je sais pourquoi on est arrivé à ce point-là. Mais c'est plus le sujet. C'est-à-dire que sur l'échiquier mondial, actuellement, pour les grands décideurs cosmopolites internationaux, il faut s'assurer que les Ukrainiens continuent à mourir. C'est tout ce qui compte pour eux. Ils s'en foutent de savoir qui va contrôler quelle ville. Il faut juste que le brasier perdure. Parce que c'est ce qu'ils voulaient en Syrie. Le brasier a quand même duré longtemps en Syrie. Mais ils ont perdu. Et pour eux, c'est l'espoir. C'est on va faire un brasier deux fois plus grand en Europe. On va déstabiliser toute l'Europe de l'Est. C'est une Syrie gigantesque, possiblement. C'est ça qu'ont à l'esprit les dirigeants, la banque, la qu'a la banque juive new-yorkaise actuellement en tête. Voilà, c'est ça qu'ils ont. Et donc pour eux, il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas que la population... Il ne faut pas que l'armée russe passe sur les villes, déclarée ville ouverte, arrive à la frontière avec la Pologne, avec la Slovaquie, avec la Hongrie, la Roumanie, voilà. Et puis on dit, voilà, bon, bah, on a gagné, les gars, hein, voilà, c'est tout, c'est une nouvelle frontière. Ah non, non, non, surtout pas. Il faut des corridors, il faut amener des armes, il faut continuer d'alimenter. Il faut que des gens meurent, vous voyez. Je crois qu'il faut souligner ça. Et moi, je trouve, je vous le dis en toute sincérité, là, il y a l'effet d'un idéalisme mal orienté qui sert les intérêts des Juifs, quoi. Parce que il y a des gens qui estiment effectivement qu'il y a un pays qui est envahi, donc il faut le défendre. Bon, non, mais attendez, il faut regarder la situation géopolitique internationale et les objectifs des autres. Si on continue d'alimenter le feu en Ukraine, ça va uniquement faire davantage de morts dans la population ukrainienne. C'est tout ce que ça va produire. Pour le compte des Juifs. Parmi les soldats russes aussi. Mais enfin, c'est dans le contrat, si tu veux. Quand tu rentres dans l'armée, tu meurs. Bon, c'est dans le contrat. C'est différent. Mais il faut dire une chose, et j'en termine, c'est que l'armée russe ne va pas bouger d'Ukraine. Il faut le dire, il faut que les gens le comprennent. L'armée russe ne va pas bouger d'Ukraine. D'accord ? Vous déplacez pas un titan comme l'armée russe d'Ukraine simplement comme ça. Les gens vont citer, oui, mais l'Afghanistan, rien à voir, c'était à l'autre bout du monde, dans des steppes, des montagnes, etc. Il faut pas, tout n'est pas comparable, d'accord ? C'est comme le Vietnam, ce n'est pas comparable. Les Américains, comment dirais-je, il y a des guerres qui peuvent gagner. Il y a des guerres qu'on ne peut pas gagner à cause de la géographie, etc. Et ça joue un grand rôle. Bon, les Russes ont déjà réprimé victorieusement une insurrection à deux reprises une insurrection nationaliste ukrainienne. À deux reprises, d'accord ? Lors de la guerre civile et dans l'immédiat après-guerre en 1945, d'accord ? Il y a eu une insurrection ukrainienne dont les gens ne sont peut-être pas forcément informés. Mais après 1945, donc après la défaite du Reich, il y avait des nationalistes ukrainiens, qui n'étaient d'ailleurs même pas nécessairement pro-allemands, d'ailleurs. Parce les nationalistes ukrainiens ont pris les armes contre les Allemands, quelque part aux alentours de 1944-1945. C'est ce que un certain nombre de personnes oublient. C'est toujours beaucoup plus compliqué que ce qu'on entend, etc. Et ils étaient très courageux, très, très braves, mais enfin, il y a un rapport de force. Et ils ont essayé de résister à l'occupation soviétique. Ils n'ont pas pu, c'est pas possible. Vous comprenez, quand vous faites face à un État organisé avec toute sa puissance, vous n'y arrivez pas, quoi. Voilà. Et c'est malheureusement ce qui guette l'Ukraine. Donc il faut acter de cette réalité simplement matérielle, quoi. Et donc il y a des gens qui vont peut-être vouloir se jeter tête baissée là-dedans. Moi, je veux dire, ils réalisent pas ce dans quoi ils mettent les pieds, quoi. Hein, je veux dire, il y en a certains peut-être qui le font. Hein, je veux dire, voilà, ils sont ouais, ils y vont quand même, quoi. Voilà. Mais moi, je dis non. Et puis en plus, ça va pas aider l'Ukraine en général. Je veux dire, ça va pas contribuer. Je veux dire à la. Bon, mais là, je comprends aussi. Et bon, j'en termine, bien sûr. Mais faut bien comprendre que ça va. Le peuple ukrainien, il est massivement mobilisé contre l'invasion russe. Ça, il faut le comprendre. C'est clair. Il y a un sentiment national ukrainien qui se forge à cette occasion. Et ils sont offensés et ils veulent s'opposer. Bien. Moi, je regarde les moyens de l'opposition. Des cocktails Molotov avec des bouteilles de bière. Bon, d'accord. Et ils vont devoir recourir à autre chose, quand même. C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire de la politique. Ils vont devoir réaliser que ça ne va pas être par ces moyens-là qu'ils vont arriver à quoi que ce soit. Je pense que Poutine sera très largement ouvert, d'ailleurs, à des compromis politiques. Parce que ses objectifs sont beaucoup plus régaliens qu'autre chose en Ukraine, et ils sont liés à la sécurité plus qu'à autre chose. C'est pas de la politique politicienne, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, voir des gens se jeter là-dedans ou soutenir l'alimentation du brasier alors qu'on sait très bien qui c'est qui est en train de pousser au crime. Non. maintenant. On pourrait dire à la limite, oh, excuse-moi Alex, vas-y. On pourrait dire à la limite que les mêmes, après avoir détruit plusieurs nations au Proche-Orient, sauf Israël, vont maintenant procéder à une possible destruction au moins d'une partie de l'Europe, si pas de sa totalité. Et ce seront toujours les mêmes, que ce soit les Juifs, que ce soit les Britanniques, que ce soit les Américains. Ce sont les mêmes qui ont agi là-bas, ce sont les mêmes qui ont commencé à agir en Europe. Moi, j'avais un petit mot simplement pour dire, par rapport à ce qu'avait dit Gandalf, la vie des Ukrainiens et des Ukrainiennes est importante, puisque ce sont des Européens blancs, il faut qu'ils vivent, la plus grande partie d'entre eux. Mais par contre, le nom du pays Ukraine, dont on savait que c'était un pays déjà divisé, je pense que c'est moins important. Ça ne veut pas dire que la langue ukrainienne va disparaître, ou que Poutine voudra la faire disparaître, ou que les traditions vont être supprimées. Poutine en avait parlé. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il l'avait dit qu'il va le faire, mais il avait dit qu'il savait très bien les particularités de ce peuple. Je pense que sur ce point, il n'a pas menti, en tout cas. Non, mais Poutine est très honnête dans sa... Enfin, très honnête... Autant qu'un homme politique peut l'être, parce qu'il y a toujours une part de mensonge, hein, faut pas se mentir. Bon, voilà, on présente sa cause sous le meilleur angle, évidemment. Mais je pense que Poutine a au moins, je pense que même ses adversaires lui reconnaîtraient ça. C'est-à-dire qu'au moins, il présente son action sous un angle historique. C'est-à-dire qu'il dit, voilà ma conception de l'histoire, voilà ma conception de la position russe dans l'histoire, voilà ma conception des rapports entre les différents peuples de cette région. Et là, il cite un certain nombre de moments clés de l'histoire de la formation de la Russie, etc. Voilà. Alors, des gens peuvent dire que c'est faux, que c'est une déformation, que c'est une réécriture, etc. Mais au moins, il convoque l'histoire pour expliquer son action. Donc, c'est conscient comme démarche. C'est quand même autre chose que la démagogie démocratique consistant à dire « oui, mais les droits de l'homme, vide des armes pour les Ukrainiens », dixit des gens comme le juif Glucksmann. C'est quand même autre chose. Moi, j'ai quand même l'impression que Poutine, c'est un slave qui s'adresse à d'autres slaves et qui essaye de, entre guillemets, rassembler les populations slaves fondatrices du monde russo-bélarusso-ukrainien. Alors, les nationalistes ukrainiens diront que c'est faux, que c'est une déformation, que c'est pas exact, que c'est simplement un réhabillage de l'histoire. D'accord, mais moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus identitaire, pardonnez-moi, que le bavardage démocratique de Glucksmann, mais infiniment plus. Ou que les jérémiades du juif Zelensky sur son putain de monument de merde à Babi Yar. C'est quand même autre chose. Je veux dire que Poutine convoque une mémoire collective slave qui me parle davantage, alors que moi-même, je suis pas slave. Mais ça me, même moi, vous voyez, qui suis pas slave, mais je suis européen, ça me parle. Quand il parle de la fondation du monde russe, du monde slave, etc., ça me parle. C'est, voyez, c'est en ça qu'on est une famille quand même de peuples, en dépit de la distance géographique, etc. On a quand même des liens, parce que la façon dont il parle, la façon dont il présente les choses, les moments qu'il convoque, etc., il y a quand même des choses qui font écho. Moi, ça résonne en moi. Quand il dit ça, ça résonne en moi, alors que je suis même pas ukrainien, d'accord. Bon. Et surtout, je dirais aussi ça, mettez-vous dans la peau d'un youtre new-yorkais, voyez, vous êtes dans une banque là, vous faites un trader juif ashkénaze, et vous parlez anglais, hein, bien sûr, hein, et vous pratiquez le shabbat, puis vous allumez votre télévision, hein, bien sûr, puis vous avez quoi? Vous regardez la situation là-bas, en Ukraine, en Russie, et vous voyez un blanc qui parle en russe et qui aboie après un autre blanc qui parle en russe. Donc en gros, un russe qui aboie après un ukrainien qui aboie après un russe. pour le juif, il voit juste deux blancs qui sont en train de s'engueuler en russe, il a envie de les voir crever tous les deux. Donc, moi, quand j'entends des Ukrainiens me dire qu'ils ont absolument rien à voir avec le mec de l'autre côté de la frontière ukrainienne, moi, je suis désolé. Je veux dire, stop. Je veux dire, stop. Faut juste arrêter 3 minutes. Parce que si c'est ça, l'identitarisme blanc, c'est-à-dire que, ouais, non, mais tu comprends, une fois que j'ai franchi la frontière administrative de l'Ukraine, créée par les soviétiques, il n'y a plus de blanc, je sais même pas de quoi vous me parlez. Bon. Voilà, c'est ça. Je suis pas client, si vous voulez. Je suis pas client de ce genre de truc, quoi. Voilà. Alors, je dis pas que la Russie, c'est un super état blanc homogène, hein, parce que c'est pas ça. Ça a jamais été ça, la Russie. Enfin, qu'on ne présente pas non plus la Russie comme un état bourriate. Enfin, faut arrêter aussi, quoi. Voilà, je pense qu'il faut me remettre un peu de nuance, un peu d'équilibre dans tout ça, et regarder ça dans un temps un peu plus long, quoi. Mais là, je... moi, ce que je vois, c'est que les Juifs tirent les marrons du feu, c'est tout, voilà, c'est ce que je vois. Et puis aussi, Brzezinski, là, vous vous souvenez, ce type-là, qui était conseiller, ouais. Qui est mort maintenant, qui était né en Pologne, alors je pense qu'il était juif aussi, j'en suis pas sûr, mais enfin bon, en tout cas, il était conseiller des présidents démocrates, je crois, alors que Kissinger était le... Enfin bon, en tout cas, c'était les deux conseillers les plus influents des différentes présidences depuis 40 ans. Kissinger est toujours en vie à 103 ans, mais Brzezinski est mort. Et ce Brzezinski avait écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, et dans lequel il avait dit que pour continuer à régner sur le monde, les États-Unis seraient amenés aussi, ce qu'il faudrait faire en tout cas, c'est créer un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Bon, je sais plus exactement de quand date ce livre, je pense qu'il y a au moins une vingtaine d'années. En tout cas, c'est pas venu d'hier matin, donc de faire croire que Poutine est responsable de tout. Etc., de toutes les choses qui se passent mal, puisqu'il y a aussi des choses qui se passent bien, puisqu'il est en train de réussir son opération, je pense qu'on en parlera peut-être plus tard, mais malgré évidemment le fait que ce soit pas parfait et que, comme on l'a dit, bah, y a des gens qui ont intérêt à ce que ce soit le brasier, voilà, bon. Non, mais ça c'est du classique, parce qu'en géopolitique, si vous voulez, Mackinder est un penseur britannique qui a théorisé ça. Il a dit, en gros, le contrôle de l'Ukraine détermine le contrôle des affaires mondiales, parce que l'Ukraine est au centre du Heartland, c'est-à-dire de l'équilibre des continents eurasiatiques. C'est-à-dire que voilà, vous avez le pivot entre la Russie, qui est une énorme masse terrestre qui déborde sur l'Asie, vous avez l'Europe, la péninsule européenne, puis l'Ukraine est cette grande masse terrestre qui est le pivot de cette articulation entre la Russie et l'Europe. Et quiconque veut dominer le monde doit dominer l'Ukraine. Donc évidemment que Zog veut dominer l'Ukraine. Il n'y a pas de problème, c'est pas du tout nouveau. Et c'est ça l'objectif d'ailleurs de ce qui se passe actuellement, parce que moi, il y a des gens qui disent « mais c'est absolument existentiel, il faut absolument chasser les Russes d'Ukraine ». Mais c'est pas vrai. Il y a 8 ans... il y avait un pouvoir qui était Yanukovych, en fait, n'était pas pro-russe. J'entends ça, Yanukovych est pro-russe. Non, Yanukovych n'était pas pro-russe. Il enquiquinait les Russes avec des histoires de négociations sur le tarif du gaz. Il était tout sauf un acteur pro-russe, faisant les volontés des Russes. Et c'était quelqu'un qui était très, très problématique pour les Russes. Mais il a été renversé par la force et remplacé par des agents stipendiés par la CIA. Alors, comme j'avais dit, hein, la révolution anticorruption était populaire, elle venait du peuple, c'était l'Ukraine qui se révoltait contre le pillage organisé par la kleptocratie en place, ça c'est une chose, mais ensuite est venue la CIA, le MI6 et compagnie, pour placer leurs hommes. Et là, vous les connaissez tous, les premiers ministres, les ministres, etc. Glucksmann et compagnie. Et à partir de là, ils ont fait évoluer l'Ukraine dans une position anti-russe, ce qui n'était pas le cas avant. L'Ukraine n'avait pas une posture anti-russe avant 2014. Ça s'est aggravé après, sous l'effet des Américains. Ceux qui nient ça sont... Enfin, je ne sais pas comment les qualifier, quoi. Je veux dire, c'est évident que c'est sous l'influence des Américains que la rhétorique anti-russe s'est considérablement aggravée en Ukraine après 2014. Et les Américains ont constamment poussé pour aller toujours plus loin. Dans cet objectif géopolitique. John McCain, Bernard-Henri Lévy étaient venus sur la place Maïdan, oui. Victoria Nuland aussi, en charge des histoires, oui. Donc d'affaires étrangères. Donc c'est des gens dont on connaît l'affiliation, il n'y a même pas besoin de développer. McCain est mort, bon, on va pas, je pense qu'on va pas, on va pas pleurer. Mais en tout cas, l'orientation, c'était effectivement une orientation anti-russe dans la continuité de l'OTAN qui a toujours été anti-russe. Et même, je ne sais plus si on l'a dit la semaine dernière, mais Poutine l'a rappelé récemment, il avait dit déjà dans l'entretien avec Oliver Stone, là, conversation avec Poutine, c'est qu'il avait demandé à Bill Clinton, est-ce que nous, la Russie, on pourrait un jour rentrer dans l'OTAN ? Mmh. Et Bill Clinton dit bah non, c'est pas possible, puisque nous on a toujours besoin d'un ennemi, et puis l'ennemi, bah c'est vous. C'est tout. Donc même si vous, vous êtes parfaitement intègre en tant que personne, même si vous faites tout bien comme il faut, etc., bah vous pouvez pas être officiellement, en tout cas, notre ami. Peut-être que sur certains points on pourra s'arranger, mais on a besoin que vous soyez contre nous. Voilà. Chers amis, nous sommes plus que jamais dans une nouvelle ère, hein, donc cette confrontation avec la Russie traduit, à mon avis, une fuite en avant de la part du système occidental, hein, qu'on ne présente plus, bon, Davos, le globalisme d'une manière générale, avec ses dispositifs, ses gouvernements, ses infrastructures, ses médias, bon... Vous connaissez cette nébuleuse, nous la subissons au quotidien, et avec le covidisme, elle est probablement plus visible que jamais. Mais le covidisme, c'était une guerre déclarée à l'intérieur contre les populations occidentales, et la confrontation avec la Russie, et par procuration avec la Chine, est le volet extérieur de cette même guerre déclarée par l'élite en place en Occident. Je crois que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et alors, on voit cette élite utiliser des ressorts assez bien connus que nos auditeurs connaissent, parce qu'on en a parlé quand même dans les émissions au fil des mois, des années, avec des intervenants comme Vincent Renoir notamment. C'est un sujet sur lequel on a souvent insisté, qui n'a peut-être pas toujours été compris par certains de nos auditeurs. On se demandait peut-être chez certains pourquoi mettre la focale sur la religion de l'Holocauste. parce qu'au fond, ça faisait 80 ans, c'était peut-être pas très pertinent, etc. Toujours un petit peu cette incompréhension. Alors, quand vous allez allumer votre télévision, votre radio, vous ouvrez un journal, ben, le Holocauste, on vous en parle toutes les semaines. Donc, mais bon, il y a peut-être certaines personnes qui avaient des doutes. Alors, face au refus de Vladimir Poutine, en fait, de se soumettre, parce que c'est ça, au fond, eh bien, l'arsenal a été déployé. L'arsenal, bien sûr, militaire, l'arsenal médiatique, mais maintenant aussi l'arsenal judiciaire. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas le perdre de vue. Et vous savez que, et on en sait quelque chose, hein, l'opposition politique en France en sait quelque chose, il ne suffit pas simplement d'être contre l'adversaire nationaliste, enfin, peu importe la qualité de l'ennemi décrété par le système, enfin, il ne suffit pas d'être simplement contre lui, le système ne se satisfait pas d'être simplement contre lui, de s'opposer à lui politiquement ou médiatiquement, il faut aussi le criminaliser, c'est extrêmement important. Il faut le criminaliser pour réduire son action à l'action d'un bandit. D'accord ? Donc, l'adversaire n'a pas d'intérêt à défendre, légitimes, moraux, de son point de vue, qu'on respecterait, avec lesquels on serait en désaccord, mais qu'on respecterait. C'est un bandit, un criminel, c'est un être fondamentalement immoral. Il ose nous résister, donc c'est quelqu'un de profondément immoral, c'est quelqu'un de maléfique. Et il faut diaboliser cet ennemi. Alors, ça, nous le savons, puisque nous sommes constamment soumis malheureusement, à cette mécanique, mais c'est maintenant le cas au niveau géopolitique avec la Russie de Poutine. Vladimir Poutine, maintenant, est éligible au tribunal de Nuremberg. J'en parlais la semaine dernière, et je ne sais pas si les gens qui m'ont écouté m'ont pris au sérieux, se sont dit si je forçais un peu le trait ou quoi. Mais c'est officiel, il y a maintenant des demandes pour un Nuremberg 2.0. Et croyez-moi bien que c'est tout sauf de l'hyperbole, de la caricature, une volonté de la part des ennemis de Poutine de grossir le trait. Non, non, non, c'est littéral, il faut l'interpréter au sens strict. Déclaration citée par les médias ukrainiens au départ, reprise ensuite à l'étranger. Je cite, le dernier procureur vivant des procès de Nuremberg, Benjamin Ferenc, qui est un juif de Roumanie, âgé de 101 ans, a déclaré que Vladimir Poutine devrait être derrière les barreaux pour crime contre l'humanité. Je cite. Donc le dernier procureur des procès de Nuremberg, Benjamin Ferenc, juif, dit que Poutine ne doit pas simplement être contenu, il doit être traîné dans un tribunal international, si possible même, c'est ce que j'ai lu, à Nuremberg. Donc c'est pas à La Haye, hein, à Nuremberg. Donc là, pour ceux qui ne comprendraient pas l'origine de la Deuxième Guerre mondiale et sa philosophie et ce qui se passe actuellement, je crois que ils ont matière à réfléchir. Je sollicite les réactions de nos participants. On n'est plus simplement dans les petites sorties amicales, les petites polémiques sur Twitter. Donc là, on convoque, j'allais dire, les momies du tribunal de Nuremberg pour reprendre du service. Hein. Alors, quelle est votre réaction là-dessus? Je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est tout sauf anecdotique. Non, je voulais simplement faire remarquer que la Seconde Guerre mondiale a donné naissance à Israël. Et aujourd'hui, Israël va juger. Ah oui, oui, tout à fait. Prétend. Prétend, oui. Prétend juger. Je rappelle aussi ce fait évident que même chez les anti-russes, la plupart reconnaissent que finalement, Poutine ne fait pas grand-chose de plus que ce que les Américains ont fait, notamment en Irak en 2003, et que je sache, il n'y a jamais eu ni d'embargo, ça va de soi, ni de volonté de juger au tribunal de Nuremberg l'administration américaine de l'époque. Mais bon, il y a peut-être un détail qui m'a échappé entre-temps. Un détail de l'histoire. Il faut aussi se rendre compte qu'à l'heure actuelle, comme nos petits copains européens et nos petits copains de l'OTAN viennent de comprendre que les anciennes menaces, ça marche plus du tout, ils sont en train de ratisser l'arche. Alors, c'est clair qu'on va nous sortir les momies. J'ai vu aussi des articles où on nous expliquait que Poutine avait perdu la raison, que c'était un malade mental, etc., etc., etc. Donc, en fait, ils vont grossir le trait. Mais dans le fond, quels sont leurs moyens? Ils ont décidé, il y a quelque temps, qu'il fallait faire un blocage aérien de toute l'Ukraine. La réponse de Poutine a été officielle, il a décrété ceci. Il a dit, voilà, on ne peut pas faire un blocus aérien de l'Ukraine depuis l'Ukraine. Cela doit forcément venir de pays étrangers. Si ces pays étrangers se mêlent de ma présence en Ukraine, automatiquement, ils sont liés au conflit et en subiront les conséquences. Donc voilà, les choses sont dites, les choses sont claires. Le problème, il est relativement simple. Je suis persuadé que si Poutine balance une ogive multitête sur Bruxelles et sur l'OTAN, les Américains ne bougeront pas. Alors c'est vrai qu'aussi, pour nos auditeurs les plus jeunes qui n'ont connu ni la Yougoslavie, ni l'Irak, ni même pour certains peut-être l'Afghanistan, ce conflit, et quelle qu'en soit l'issue, est l'occasion pour eux de se familiariser avec toutes les méthodes de la propagande occidentale qui sont usées jusqu'à la corde et ne datent d'ailleurs, sont presque aussi vieilles que l'humanité elle-même. Que ce soit tous les reportages que l'on fait sur les déboires de l'armée russe, sur les pleurnicheries à faire vis-à-vis des civils ukrainiens, sur la méchanceté de Vladimir Poutine qui apparemment passerait ses nuits à boire des litres de sang ukrainien. Voilà, on est face à un discours, tout ce qu'il y a de plus classique. Prenez le temps, pour ceux qui n'y sont pas familiers, de regarder tous ces aspects pour en apprécier la constance et surtout ne pas vous faire avoir par ce qui n'est au fond que de l'émotion. Ah oui, non, ça c'est du classique, parce que Kadhafi, Saddam Hussein, Milosevic, c'est passé par ça. Adolf Hitler étant évidemment le père fondateur du genre. Hein, Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, bien entendu. Voilà. Alors là, c'est Poutine. Ça faisait longtemps que ça les démangeait. Et là, on sent une certaine jubilation. Hein. Moi, je lis, je prends connaissance des déclarations très très tapageuses de Raphaël Glucksmann, hein, qui est quelqu'un qui n'a aucune légitimité populaire. Hein. C'est quelqu'un qui a été entre guillemets élu sur des non-listes par la populace. De Paris ou je ne sais, et donc l'intéressé menace Vladimir Poutine d'un tribunal pénal international, donc c'était encore une fois Nuremberg, hein, ça c'était une déclaration récente à la 48 heures de la part de Raphaël Glucksmann, donc c'est un leitmotiv chez les juifs, là, depuis maintenant deux semaines, enfin une dizaine de jours, mais deux semaines on va dire. C'est vraiment, c'est pas simplement voilà, oh la Russie envahit un pays, on n'est pas d'accord, non, C'est au-delà, c'est Hitler 2.0, c'est ce qu'on avait déjà esquissé dans l'émission précédente, c'est Hitler 2.0, donc il faut le traitement Hitler à Poutine, voilà, d'accord, donc avec tout ce que ça suppose en termes de, voilà, donc bon, alors c'est un petit peu malheureux pour Poutine, parce qu'effectivement Poutine n'est pas du tout hitlérien, pas du tout... Dommage. Oui, c'est dommage d'ailleurs. Mais il n'est pas du tout hitlérien, pas sur des positions, même pas racistes ou que sais-je. On pourra dire qu'il est sur des positions panslavistes assez traditionnelles de la part de la Russie. Il n'y a rien d'extravagant dans ses positions, il n'y a rien de nouveau en tout cas. Et on ne peut pas dire quand même que bon, Adolf Hitler était historiquement l'adepte du panslavisme, quand même. Bon, voilà. Donc, il y a des associations qui sont bizarres. Mais enfin bon, il est quand même hitlérisé, il est fascisé, il est nazifié, et les Juifs digèrent assez mal, d'ailleurs, son histoire de dénazification. Je crois qu'il les a vus venir, en toute sincérité, il les a vus venir, et il savait qu'il allait, être hitlérisé. Et je pense que, nonobstant le fait que Poutine soit un boomer soviétique, parce que c'est ça, hein, Poutine est un boomer soviétique, hein. Donc il y a des réflexes quand même, hein, bon, voilà, puis c'est un officier du KGB aussi, bon, voilà, lui-même n'est pas communiste, mais Il n'est pas doctrinalement communiste, Poutine. D'ailleurs, il a répondu par rapport aux sanctions, c'est tout à fait révélateur, je trouvais ça m'a intéressé. Il a dit que la réponse, très probablement, face aux sanctions occidentales, était d'accroître considérablement la liberté d'entreprendre en Russie. Bon, on est quand même très loin du bolchevisme organisé, hein, quand même. Bon, voilà. D'après lui, en fait, il faudrait couper à fond dans la bureaucratie et dans la fiscalité. Donc, de son point de vue, c'était la meilleure façon de répondre aux sanctions. Bon, vous avez remarqué. Non, mais je te signale qu'à partir du 8 mars, les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises en Russie sont dispensées d'impôts. Bon, vous voyez, donc, bon, on est quand même très très loin de la soviétisation en cours en Occident, hein, surtout en France, hein, parce que tu sais, quand tu dis ça, ils sont dispensés d'impôts, les PMI, PME sont dispensés d'impôts en Russie, là, en France tu fais, il y a des gens qui ont des étoiles dans les yeux, hein. Ils se disent ça. Ah bah, c'est l'exact miroir, Gandalf, puisque en Russie ils coupent les impôts et chez nous, ce qu'on a fait durant la période du Covid, on a distribué de l'argent. C'est exactement l'inverse. C'est ça qui est frappant, ça. D'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez être sous sanction ou pas, finalement ? Est-ce que c'est une bénédiction, les sanctions ? J'ai tendance à penser que... Parce que, finalement, en Russie, ils n'ont plus Netflix, ils n'ont plus la Blanche-Neige marron de Disney, toutes les boîtes américaines se cassent. Ils n'ont plus l'Eurovision. Ils n'ont plus l'Eurovision avec les femmes. Ouais, pas de femmes à barbe. Bon, bah, des sanctions comme ça, moi, j'en prends tous les jours, quoi. Tu vois, je rappelle que Cuba a été le premier pays à se ramasser des sanctions massives. Est-ce que ça a permis la fuite de Fidel Castro ? Non, il est mort de sa belle mort. Ça fait. Et d'ailleurs, il a eu une belle descendance, puisque maintenant, son fils est à la tête du Canada. Donc, comme quoi. Ah oui. Comme quoi, il a su contourner l'embargo. En fait, exactement. Non mais voilà, non. Et mais pour... vas-y. Pour Nuremberg, je rappelle aussi un petit fait basique que nous savons tous ici, mais pour les auditeurs, il y avait trois chefs d'accusation parce que certains se disent mais c'est complètement absurde, Poutine n'est pas en train de génocider les Juifs, or, on a fait Nuremberg en raison de l'Holocauste. Certes, l'Holocauste a beaucoup pesé, mais il faut rappeler les deux autres chefs d'accusation, en plus de celui de génocide qui n'était que le troisième, à savoir crime de guerre, qui était le deuxième. Et là, évidemment, on voit que la propagande est faite pour montrer que les Russes sont en train de violer des bébés ukrainiens dans les caves. Et complot contre la paix, qui était le premier chef d'accusation. Et tout est fait là aussi pour expliquer que Poutine a prévu, pensé et voulu cette guerre contre la paix. Il est donc un comploteur. Un complotiste, peut-être même, pourrait-on dire. De comploteur à complotiste, nous ne sommes pas, franchement. Mais quand on voit les enjeux, etc., ceux qu'ont en tête Davos, le Great Reset, ceux qui nous empoisonnent, ceux qui empoisonnent nos enfants, je veux dire, parce que c'est ça, les mêmes qui vont pleurer sur les drames en Ukraine, c'est ceux qui foutaient du poison dans les veines des gamins de 6 mois, hein. Enfin, qui voulaient le faire dans les gamins des veines de 6 mois, ils en avaient rien à foutre, hein. ils disaient que c'était normal, si les gens n'étaient pas contents, c'était le même tarif, hein. Les juifs Bourla et compagnie. Donc tous ces grands humanistes-là, nécrochus, qui viennent pleurer, qui braquent leur caméra sur tel ou tel truc, c'est quand ça les arrange. Hein. On va se tromper. Hein. Ouais, peut-être pour diriger ce tribunal de Nuremberg dans lequel Vladimir Poutine serait l'accusé principal, peut-être Benjamin Netanyahou, je crois qu'il n'a plus de fonction en ce moment. Je crois que lui, qui n'a jamais touché à un cheveu d'un enfant palestinien, je pense que ça lui irait très bien. Voilà, parce qu'il faut savoir que, alors, pas que sous Netanyahou, mais depuis toutes ces années, eh bien... entre deux tiers et trois quarts des villages palestiniens ont été détruits. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être pro-palestinien ou que moi je suis palestinien ou quoi que ce soit, mais je veux dire, c'est un fait. Et Israël, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est quand même l'État juif, hein. C'est l'État hébreu, l'État juif. Ouais, l'État juif. Nous vivons tous dans un État juif. Bah, eux, par contre, se revendiquent comme tels, quoi. Et puis apparemment, pour avoir la citoyenneté israélienne, il faut quand même montrer aussi son côté génétique, etc. Bon, ça se fait pas comme ça, hein. Donc bon. plus sérieusement, il y a une volonté de, d'abord de détruire l'État russe, de détruire la Russie, bien sûr. Alors, j'entends ceux qui, nos auditeurs, ils disent « Mais moi, je ne suis pas russe. Pourquoi je me sentirais concerné, au fond ?» C'est une question légitime, je veux dire. Effectivement, ni vous ni moi, nous sommes russes, ou nous prétendons connaître la Russie, ou la culture russe. Bien évidemment, c'est une analyse politique et géopolitique. Bah, on a bien compris que si... le système globaliste venait à bout de la Russie, enfin, je veux dire, c'est fini, quoi. Ok, donc, si vous voulez, l'alternative est tellement horrible que c'est vite vu, hein. Voilà, bah, moi, j'ai pas besoin de parler russe pour le comprendre, quoi. Voilà. Alors après, c'est pas moi qui nierai les souffrances en Ukraine, c'est pas moi même qui délégitimerai d'ailleurs la volonté ukrainienne d'être indépendant, ça me pose pas de problème, ça. Moi, j'ai jamais eu de problème avec le nationalisme ukrainien, j'ai pas de problème avec ça. C'est les circonstances actuelles qui changent complètement la dynamique générale. C'est ça qui motive ma position. J'ai aucun problème. Moi, même tous les nationalistes qui sont pro-ukrainiens sur le principe... au contraire, c'est ça le truc, si vous voulez. En fait, ma raison me pousse à être pro-Poutine, mais effectivement, mon cœur me pousse à être plutôt pro-Ukraine. Mais en dernière analyse, je pense qu'un homme doit écouter sa raison plutôt que son cœur. Vous comprenez? Et c'est pas la cause ukrainienne prise en elle-même qui me... Au contraire. Hein. Mais voilà, je fais la part des choses et je pense qu'il faut être rationnel. Et parfois, il faut faire des choix. Hein, et je pense qu'il faut choisir, là. Hein, mais... C'est pour ça que je pense que plus vite ça se termine en Ukraine, mieux ça vaut. Il faut surtout pas que ça se passe comme l'OTAN veut que ça se passe. C'est-à-dire que eux, ce que l'OTAN souhaite, c'est le supplice chinois, quoi. Hein. Il faut que les Ukrainiens meurent pendant des années, quoi. Hein. C'est ça qu'ils veulent. Hein. Et il faut surtout pas que ça se passe comme ça, quoi. Donc je pense que pour cette raison-là, il faut que la Russie gagne et vite. Enfin, vite. Tout étant égal par ailleurs, bien sûr. C'est une opération d'invasion, neutralisation du gouvernement central. Bon, d'accord, ça se fait pas en une semaine. Hein. Pour ceux qui se poseraient des questions sur la durée de l'invasion, les Américains ont mis grosso modo 6 semaines à totalement contrôler l'Irak. Donc, ça vous donne une idée de ce que peut représenter... Et encore. Oui, encore, parce qu'ensuite... Parce qu'ils distinguaient des Anglais au sud et par les Kurdes au nord. Donc, en fait, leur contrôle, ce n'était véritablement que le centre de l'Irak, la partie sunnite. C'est juste. Donc voilà. Alors après, il faut toujours se méfier des comparaisons parce que chaque projet, enfin, chaque plan est complètement différent parce que l'environnement n'est pas le même, la culture n'est pas la même, la taille du pays, la géographie, tout change. Donc, essayer de comparer les prouesses des uns et des autres ne me paraît pas pertinent. Mais ceux qui disent que les Russes s'y prennent comme des manches, il y a des problèmes hein, au plan militaire, au niveau russe, mais rien d'insurmontable. En fait, pourquoi il y a des problèmes? Parce que c'est pas le type d'opération que vous entreprenez tous les matins. Moi, je vois les experts français, je parle pas à la télévision, mais en commentaire sur des sites militaires, les mecs sont là, ils rigolent, etc. Mais si demain, vous demandez à l'armée française de réaliser une opération similaire, c'est-à-dire de conquérir l'Ukraine, vous demandez demain à l'armée française de conquérir l'Ukraine, en combien de temps ça va se passer? J'ai pas de réponse, arrêtez, je pose la question. Alors, moi, je vois les militaires français, des officiers, etc., ils sont en train de se gausser en regardant avec condescendance les Russes, regardez les mecs là. Et vous, ils viennent se faire botter le cul au Mali. Ils n'arrivent pas à bout de ce pays, qui est une non-puissance, je veux dire. D'accord, donc moi je dis attention. Donc c'est pas ce genre d'opération militaire de grande envergure, c'est pas des petites opérations. Les Russes ont des difficultés, je veux dire, techniques, en gros, voilà. Et je vous le dis, parce qu'ils l'ont prouvé, les Russes l'ont prouvé, les Russes s'adaptent. Et ils s'adaptent vite. Donc, quand j'entends des gens dire « Oh là là, c'est bon, ils vont prendre la... » Attention, non, non. Stratégiquement, d'ailleurs, les Russes ont déjà pris un ascendant énorme sur l'Ukraine. Et ça va s'accentuer, d'accord ? Donc, attention. Hein. Voilà. Moi, enfin, je sais pas, peut-être que... Et là, vieux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi... Il y a une condescendance à l'égard de la réalisation de... Enfin, des réalisations de l'armée russe qui me paraît déplacée, franchement. Pour le moment, la Biélorussie est toujours neutre, officiellement. Donc, ouais, la Russie a au moins dans sa... Elle n'est pas co-belligérante, j'entends par là. Donc, la Russie a minima encore dans sa carte l'armée biélorusse, qui certes n'est pas très importante, mais qui s'approche quand même très près de la frontière polonaise, alors non pas pour attaquer la Pologne, mais surtout très près de la ligne menant directement à Lviv. Donc il y a quand même encore des réserves en tenant partie de ça. Et honnêtement, je suis toi, je lis des rapports à droite, à gauche qui expliquent que l'armée russe s'embourbe, etc. D'un autre côté, je n'ai pas eu vent de nouvelles expliquant que les Ukrainiens étaient capables de contre-attaquer. Ils sont au mieux capables de contenir les Russes. Deuxièmement, les Russes ont tout de même une supériorité aérienne. On dit oui, mais non, ils n'ont pas la supériorité aérienne parce qu'ils ne sortent pas leurs avions. Bah oui, mais en attendant, les Ukrainiens ne veulent même plus sortir de leur ville parce qu'ils savent très bien qu'en race campagne, ils vont se faire étrier. Et enfin, la seule chose qui pourrait peut-être indiquer que les Russes sont vraiment en train de s'épuiser, ce serait ou une démoralisation ou une perte massive de matériel. Mais là, on a des chiffres, certains parlent de 10 000 morts, certains parlent de 500 morts. Enfin, personnellement, moi, je n'ai aucune idée de l'état réel des pertes russes. Alors ça, c'est un point important que je trouve... alors, elle traduit, en fait, la supériorité russe. Alors, les Ukrainiens, évidemment, ont tout intérêt à amplifier le tableau de chasse, d'accord ? Donc, dans la propagande ukrainienne, donc il y a toute une série de médias ukrainiens hein, qui moi, je dis la propagande des deux bords, d'accord ? Donc, je dis pas, par exemple, quand les Russes disent un truc, je dis pas, ah bah, les Russes ont raison, c'est la vérité. La vérité, généralement, se situe à peu près à mi-chemin entre les deux, hein, grosso modo, quoi. Donc, je lis à la fois les médias russes et les médias ukrainiens, et je lis les deux avec une distance critique. Et il faut toujours procéder comme ça, bien sûr. Et alors, effectivement, les Ukrainiens disent 10 000 morts pour les Russes. Bon, je pense que on doit... À mon avis, mais ça, c'est vraiment au flair. C'est plus quelque chose de l'ordre de 5 000, 6 000 morts chez les Russes, avec un certain nombre de blessés considérables. Attention, les Ukrainiens sont très généreux sur les bilans qu'ils affichent vis-à-vis des pertes russes. C'est le silence total sur leurs pertes à eux. Alors, il faut quand même se poser des questions. D'accord ? Parce que je pense que les Russes ont quand même un tableau de chasse. Donc, moi, je veux bien qu'on nous dise que, grosso modo, il n'y a que les Russes qui meurent, mais enfin, c'est une guerre un peu bizarroïde, parce que quand je vois la carte et la progression des forces russes, c'est les Russes qui avancent, c'est pas les Ukrainiens. Donc, bon. Et surtout... Et puis, il y a aussi des soldats qui se sont rendus. Les soldats ukrainiens se sont rendus également. De toute façon, ça se rend de part et d'autre. Ça veut rien dire, parce que, tu sais, quand tu mets en avant ce genre de truc, c'est complètement con, je veux dire. Tu dis, tiens, regardez, il s'est rendu, donc t'as un soldat russe qui se rend. Elle dit, vas-y, insulte Poutine maintenant. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Le mec, il a un parabellum pointé sur sa gueule. Le type, c'est simplement un soldat. Il a signé pour peut-être 300 ou 400 euros par mois. Bon, il a envie de revoir sa famille, quoi. Donc le mec, il va dire, ouais, Poutine, t'es un fils de pute. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut rien dire, ça, tu vois. Ça veut rien dire. Bon, faut stopper, quoi. Des gens qui vont tirer des conclusions sur ce genre de truc, c'est des abrutis, hein, franchement. Que on ne peut pas généraliser à partir d'une image venue du net. D'ailleurs, il y a plein d'images qui sont truquées. Hein. Il y a des images qui viennent d'autres conflits, etc. Ouais. Ce que je disais, c'était un tout petit élément. Effectivement, c'est pas le seul facteur. Il y a aussi les sites militaires neutralisés ou détruits. Il y en a plus de 1 000 d'après l'armée russe. Il y a donc des centrales nucléaires contrôlées. Non, mais ils sont en train de perdre. Donc... Non, mais les Ukrainiens perdent la guerre, il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'ils détruisent. La manière de procéder russe, c'est la destruction en profondeur de l'armée ennemie. Ils ne s'occupent pas des unités de première ligne, d'accord ? Ils s'occupent des centres de munitions, des aéroports, des points de concentration. ce genre de des systèmes de communication, les points, les centres de commandement, c'est ça que visent les Russes en profondeur, d'accord. C'est des campagnes, ça se fait pas en 3 jours, ok. C'est dans la durée, d'accord. L'ennemi n'arrive pas à remplacer ce genre de truc, c'est stratégique, d'accord. C'est une opération en profondeur. Ensuite, vous envoyez vos mecs, bon, dès le départ, vous envoyez vos mecs, mais ensuite vous forcez la première ligne, d'accord. Donc les gens qui regardent ça de manière très superficielle peuvent être trompés là-dessus. Mais ce que je veux revenir sur, par rapport au bilan. C'est que si les Russes, bon, les Russes, je ne pense pas qu'ils aient 10 000 morts, mais s'ils ont 10 000 morts, d'abord, pardonnez-moi, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Vous regardez une bataille de Napoléon, une bataille classique de Napoléon, pas une grande bataille, hein, une bataille classique de Napoléon, voilà, 5 000, 10 000 morts, c'est absolument commun. Qu'est-ce que ça traduit? Ça veut dire que les Russes sont acceptent le principe de mourir pour atteindre des objectifs politiques. Et j'entends des gens, et surtout ces cons de militaires français, se flatter, enfin, flatter l'Américain, en disant « Ah, les Américains, haha, ils ont conquis l'Afghanistan, ils ont conquis, dans la première phase d'invasion de l'Afghanistan ou d'Irak, oh, ils ont perdu quelques dizaines d'hommes, etc. » on sait comment ça s'est terminé, mais au-delà de ça, c'est quand même une drôle de guerre que d'entrer dans une guerre où on part du principe qu'on ne doit pas perdre d'hommes. Vous voyez ? C'est la philosophie en Occident. Ah. Russes... se souvient de la doctrine du zéro mort. Oui, mais totalement. Gandalf, dans les années 90. Absolument. Mais les Russes, eux, ils disent non, non, mais nous, il n'y a pas zéro mort. Alors, ils essayent probablement de cacher un certain nombre de morts, mais ils encaissent les morts. Vous voyez, cette capacité à souffrir, cette capacité à perdre des hommes, c'est ça qui fait la force d'une nation. D'accord ? Je ne dis pas que je m'extasie sur les monceaux de cadavres, mais en dernière analyse, un peuple qui s'inscrit dans l'histoire, qui va de l'avant, c'est un peuple qui accepte les permanences des défis historiques, à commencer par la guerre et les pertes qui vont avec la guerre. Encore une fois, une mère qui perd son fils au front, c'est une mère qui souffrira tout le reste de sa vie. Je ne suis pas en train de trouver ça génial ou quoi du tout. Mais vous voyez, les nations qui vont de l'avant en dépit d'eux, c'est ça, c'est l'enseignement. Et moi, je vois les Occidentaux, oh, ils perdent des hommes. Ouais, la France, on a perdu, en France, on a perdu un peu plus de 50 ou 60 hommes au Mali en 8 ans. Ce qui est rien, je veux dire, ce qui est que dalle. Je sympathise bien sûr avec les familles qui ont perdu un fils ou un mari au Mali, c'est pas la question. Mais qu'est-ce que ça représente par rapport, prenez 14-18, rendez-vous compte, 14-18, c'est là qu'on mesure aussi les sous-hommes qu'on est clairement devenus, quoi. En 14-18, les Français acceptaient 1000 hommes, la mort de 1000 hommes par jour pendant 4 ans. Rendez-vous compte, c'est énorme, je veux dire. On acceptait tous les jours 1000 hommes, que 1000 hommes meurent. Voyez. Là, en 8 ans, 50 ou 60 hommes au Mali, on en fait un drame. Vous voyez, on est des larves. Les Russes disent, bon, qu'est-ce que c'est, 10 000 hommes. 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, on s'en fout. On a des objectifs stratégiques à remplir, c'est pour la survie de la Russie, on va le faire. Les Russes, là, tels qu'ils sont partis, là, ils peuvent accepter 200 000, 300 000, 400 000 morts. Attention à ça. Hein. Et malheureusement, ce n'est pas du tout intégré dans les analyses que je vois ici ou là. Et l'armée française rêverait de pouvoir faire ça. Hein. Alors, heureusement pour nous, elle en est incapable. Parce que sinon, elle nous enverrait crever pour sauver des nègres. Donc ça, c'est le côté positif. On remarquera que ce que l'armée française ne serait capable de nous imposer, le planning familial le fait sans blême. Exactement. 200 000 avortements par an, ça ne pose aucun problème de conscience à personne. 500 000 à peu près en Russie, hein, parce que ce pays n'est pas épargné, hein, rappelons-le. Ça, il n'y a aucun problème. Hein. 100 000 pertes par an, net. Hein. Puis en plus, on ne parle pas de vieux grabataires achevés par un virus invisible. On parle du futur de la nation française. Enfin, de moins en moins françaises, en jugées par les prénoms et les tests de la drépanocytose qui ne peuvent plus être publiés. Effectivement, cohérence dans tout ça. Une petite information pour compléter à ce sujet. Alors, Xavier Moreau, bon, on sait qu'il est très poutinophile, mais indépendamment de ça, il donne une information, à mon avis, qui est juste, en tout cas qui est intéressante. C'est, il a dit qu'il y avait eu 50 000 mères qui avaient voulu, russes, qui avaient voulu avorter pendant l'année précédente. Et que, suite à des discussions avec des médecins, ces avortements avaient été évités. Et ça, alors on sait que l'Union soviétique était en pointe pour avoir légalisé l'avortement, chose qui s'est répandue dans le monde entier et qui a fait des millions de morts, puisque c'était des êtres en devenir. Donc ils sont morts, de mon point de vue. Ils ont été tués. 1918. Oui, voilà, exactement. Eh bien, le fait que des gens du corps médical, des médecins, disent « Écoutez, ce serait peut-être pas une bonne décision d'avorter, c'est la vie qui est en jeu, ce serait bien de garder votre enfant, etc. » Moi, je trouve que c'est intéressant, c'est très très, très intéressant. Aujourd'hui, les médecins français, alors maintenant ils sont vaccinateurs Covid-19 à fond les ballons, mais ils avaient déjà accepté des choses à mon avis contestables, notamment cette histoire d'avortement, et le pas le faire de façon gratuite, hein, ils sont payés pour ça, les médecins avorteurs. Hein, voilà. Vous savez, c'est aussi pour ça que je crois pas du tout à l'histoire. L'assaut russe contre le monde civilisé, enfin, on essaye de nous vendre un peu si... La natalité russe est dans une mauvaise posture. La natalité... Et ça, il y a un truc qui me choque profondément, c'est par rapport à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Ah, je peux pas m'empêcher de le dire avec à l'antenne et puis à l'adresse de tout le monde, quoi. Je vois avec la voracité avec laquelle toutes ces démocraties juives occidentales se jettent sur les Ukrainiens en disant, ah là là, on va les accueillir. Il y a beaucoup de cynisme là-dedans. Hein. Mais moi, ça m'effraie en fait, parce que je vois un pays, l'Ukraine, qui est déjà très, il est vieillissant et ils ont un taux de natalité qui est faible. C'est pas spécifique à leur pays, hein, je veux dire, c'est pareil partout. Enfin, dans les pays blancs, quoi. Mais j'ai plus leur taux à eux en particulier, mais ils doivent être un 1-3, quelque chose comme ça. Donc c'est un pays dont la population se rétrécit très vite. C'est un pays qui fait face à une situation de crise objective. Peu importe ensuite qui soutient quel camp ou quoi, c'est que de toute façon l'Ukraine fait face à une crise. Et là, je vois tous les États occidentaux, ah, venez chez nous, etc., qui eux-mêmes ont leurs problèmes démographiques et clairement qui veulent mais vider l'Ukraine de sa substance vitale, quoi. Ce sont des vampires, quoi. Donc, moi, en fait, par rapport à l'accueil des réfugiés ukrainiens, en fait, j'y serais assez opposé, en fait. Et pas pour des raisons d'immigration, en fait, mais... Parce que je me dis que ce pays, si on le laisse se vider... Alors évidemment, il y a la question immédiate, voilà, de ne pas tomber sous des bombes. Donc, il y a ça, bien sûr. Mais d'accompagner, en fait, la dévitalisation, de voir le pays se vider vraiment de ses mères de famille, de ses enfants, de ses futurs jeunes talents, etc. J'ai vu Robert Ménard, cette saloperie. Mettre un jeune talent ukrainien du piano, un jeune homme très brillant, enfin très vraiment, enfin pour le coup le meilleur de l'Europe, quoi. Vous voyez, vous dites à l'Europe, c'est quand même quelque chose, quoi. Et il est très content, il affiche ça, mais il l'amène à Béziers au milieu des bougnoules et des nègres. Alors évidemment, la mère de ce gamin a voulu venir en Europe, mais c'est un drame pour l'Ukraine. Je veux dire, ils vont perdre, enfin le pays va perdre. Ça sève, quoi, pour aller se diluer dans les démocraties juives pourries, négrifiées d'Europe de l'Ouest. J'arrive pas à me satisfaire de ça du tout, quoi. Vraiment pas, quoi. Donc en fait, je suis contre l'accueil des réfugiés ukrainiens pour cette raison précise, qui n'a rien à voir en fait avec un manque d'empathie ou quoi. Mais c'est, je me dis, putain, l'Ukraine va avoir du mal à se relever si on la laisse se vider de son sang, en fait, quoi. Parce que perdre 4 000, 5 000, 4 000, 10 000 mecs au front, c'est rien à côté d'un million, 2 millions, 3 millions de personnes qui quittent le pays, hein. C'est rien du tout, hein. Je pense que les Occidentaux, les gouvernements occidentaux sont beaucoup plus criminels d'organiser... la fuite des Ukrainiens de leur pays. Moi, je trouve ça odieux. scandaleux, pas pour des raisons humanitaires, encore une fois, mais sur le long terme, je trouve ça odieux. Ça me scandalise. Il est aussi possible qu'un certain nombre reste un court moment, le temps que la situation se stabilise. On n'est pas encore, on peut pas encore dire s'ils vont rester. Quelle sera la durée de leur séjour. Je jette pas là du tout la pierre. Moi, je connaissais d'ailleurs un Ukrainien, un jeune Ukrainien qui avait quitté avec sa mère bien avant la guerre. Attention, hein, ça, je vous parle de ça il y a plus d'une dizaine d'années. Donc il y avait déjà beaucoup de difficultés, etc. Donc, je connais à peu près le... Mais objectivement, pour l'Ukraine, c'est dramatique. J'arrive pas à me résigner à ça, moi. Et les autres, c'est des cyniques, hein, parce que c'est le marché aux esclaves, ce que j'avais dit la semaine dernière. Hein. Il dit, on va combler les trous, etc. C'est pas ma conception du nationalisme, de la nationalité, de ce que doit être un État fort. Je comprends la situation immédiate pour des familles qui veulent se mettre à l'abri, donc ça, c'est clair. Donc effectivement, quand il s'agit de fuir les conflits pour protéger ses enfants, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une question de survie immédiate. Mais le jeu des démocraties juives occidentales par rapport à cette question me fait dire que quand ils disent « venez chez nous », ce n'est pas pour les laisser repartir. Ouais, notons aussi qu'après la fin du conflit contre Daesh, que Poutine a gagné avec Bachar el-Assad notamment, il y a eu des crédits alloués à des reconstructions, hein, reconstruction de bâtiments, reconstruction d'églises, puisqu'il y a des chrétiens d'Orient aussi en Syrie. J'espère que l'opération va se terminer assez vite et puis qu'il y aura effectivement une reconstruction rapide. Il ne faut pas que ça dure. Actuellement, l'opération russe consiste à viser des cibles militaires. Parce qu'il faut comprendre ça. Mettez-vous dans la psychologie des Russes, mettez-vous dans le discours de Poutine. Okay, Poutine ne dit pas vous êtes des terroristes, on va vous écraser. Il dit vous, les Ukrainiens, c'est ce qu'il a réitéré. Hein. Les nationalistes ukrainiens peuvent dire c'est faux, c'est de la merde, c'est du baratin, d'accord, mais c'est le point politique de Poutine. Vous, les Ukrainiens, nous, les Russes de Russie, et les Biélorusses, nous formons un même peuple. Les Ukrainiens peuvent dire c'est faux, on est un peuple à part entière, on est une nation, mais c'est le point de vue politique de Poutine, c'est la base de départ de son action politique. Si vous partez de cette base, vous ne pouvez pas aller dans un pays pour tout ratiboiser. Tu vas pas chez ton frère tout détruire et lui dire que tu fais ça pour son bien, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'ils sont relativement prudents. Les gens s'étonnent. Comment se fait-il que les Russes n'utilisent pas massivement leur aviation alors qu'elle est stationnée tout autour de l'Ukraine ? Pour cette raison. Les Russes sont conscients que l'intervention de l'aviation ne détruira pas que des infrastructures militaires. Donc il y a une grande retenue, donc ils préfèrent privilégier la conquête au sol plutôt que la conquête aérienne, contrairement aux Américains. C'est-à-dire que les Américains, il faut vraiment s'arrêter là-dessus, quoi. C'est-à-dire que les Américains, ils sont là, ah, c'est facile, on a conquis l'Irak, etc. Mais c'est évidemment, ils arrivent, ils ont d'abord et avant tout l'écrasante majorité, ils dominent les cieux, ils ratiboisent tout ce qu'ils trouvent, il reste rien en Ukraine. Il y a 300 avions. Ça, c'est les experts militaires occidentaux. Ce n'est pas les sources russes. Il y a le commandement russe a stationné 300 avions de combat autour de l'Ukraine. Ils en ont utilisé 70. Ce sont des interventions extraordinairement limitées. D'accord ? Alors évidemment, quand tu te prends un missile sur le coin de la gueule, tu n'as pas l'impression que c'est limité. J'entends bien. Oui, puis sur les interventions concernant les civils, si on remonte un peu plus loin dans le temps, souvenez-vous par l'intervention américaine des bombardements massifs de la ville de Dresde, par exemple, qui ne contenait que des civils, 200 000 morts, je crois, et puis l'utilisation de deux bombes atomiques sur le Japon, ça c'était pour tuer volontairement des populations civiles ou pour infliger des maladies à ceux qui resteraient en vie, il faut avoir un petit peu de mémoire longue. Ça ne veut pas dire que s'il y a des bavures, il faut les oublier ou que... Non, non, bien sûr, mais... Ouais, il faut raison garder. Là. Non, mais moi, je suis pas... Non, enfin, je veux dire, en plus, les Russes en Syrie, ils étaient connus pour pas tellement faire le détail, quoi. Mais les Américains, eux, ils ratiboisent tout, quoi. Et en Ukraine, les Russes ne ratiboisent pas tout. À l'exception de certains théâtres d'opération, comme Kharkov, où malheureusement des éléments de Zelensky ont été déployés sur place pour s'assurer que les villes ne se rendent pas. Ce qui est criminel, ce qui est criminel parce que militairement, il n'y a aucune chance. Vous comprenez, c'est pas comme quand vous savez que vous avez une chance de tenir, d'accord ? Là, ce qu'ils font, c'est simplement... C'est juste pour justifier... C'est fait pour alimenter le programme qu'ils ont contre la Russie, d'accord ? Ok, c'est des criminels de guerre, etc. Et après, je vais pas vous dire, non, mais en fait, l'aviation russe ou l'artillerie russe, ils tuent jamais de civils, etc. Si, bien sûr. C'est un front... Et forcément, ça se convertit en désastre pour les civils qui sont sur la ligne de front, malheureusement. Mais les Russes essayent d'éviter l'utilisation massive de leur puissance de feu, parce que s'ils utilisaient tout ce qu'ils avaient en stock, les Russes, que les gens méditent là-dessus, hein, quand vous voyez Poutine envoyer des T-72 au front, croyez-moi bien que le mec, là, vous voyez, c'est footing. Poutine au petit pas, vous voyez. Il n'est pas à fond, là, Poutine. Hein. Là, les gens... parce qu'il sait très bien qu'il est observé. Hein, donc, c'est un petit footing qu'il fait, Poutine, là, en Ukraine. C'est un petit footing. Il n'a pas sorti tout son matériel. Il n'a pas sorti son aviation. Enfin, il y a une partie... 25% de son aviation est stationnée. C'est pas toute l'aviation russe. Hein, c'est une partie de son aviation a été employée, mais c'est une petite partie. Même ces tirs de missiles de précision, etc., c'est limité dans le temps et dans l'espace. Si Poutine lâchait vraiment la sauce, l'Ukraine, il la détruirait totalement. Mais c'est pas dans son intérêt. Il n'a pas envie de détruire les infrastructures. S'il détruit les infrastructures, il doit tout reconstruire. C'est pas son intérêt, d'accord? Donc il y a tellement de mensonges, ça en devient vomitif, quoi. Il veut simplement détruire les infrastructures militaires, ouais. Puisque à part ça, il veut pas détruire la centrale nucléaire. Ils ont réussi d'ailleurs à prendre le contrôle à Zaporijjia. Ils ont pas détruit la centrale nucléaire, sinon c'est une catastrophe. Zelensky a osé dire que les Russes voulaient créer un nouveau Tchernobyl. Vous rendez-vous compte? C'est comme ça qu'ils essayent d'effrayer la population mondiale en disant « Vous rendez-vous compte, on a une catastrophe nucléaire, Poutine essaye de faire sauter des centrales nucléaires pour nous tuer tous, etc. » Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Alors que quand on s'intéressait, moi je suivais ça en temps réel, etc. Non, c'était des tirs qui avaient lieu en dehors du périmètre de la centrale, sur des bâtiments adjacents, et probablement l'initiative d'ailleurs d'unités ukrainiennes qui répondaient aux ordres de Zelensky de Kiev. Les Russes ne cherchaient pas du tout à viser les réacteurs. Évidemment, mais quel est l'intérêt de viser, si les Russes veulent détruire la planète, ils n'ont pas besoin d'aller en Ukraine pour faire sauter un réacteur, ils font sauter un réacteur qu'ils ont chez eux. Hein. Vous voyez, c'est ce degré-là de mensonges auxquels on est exposé. Mais les gens ont peur, surtout les femmes. Aujourd'hui, les femmes jouent un rôle important dans l'opinion publique en Occident. Elles ont peur. Les femmes, c'est ça, c'est les émotions, c'est les ovaires, quoi. Elles sont prises aux tripes. Putain, Poutine, il a des soldats autour d'une centrale nucléaire, il va tout faire sauter. Putain, mais les femmes sont terrorisées. Elles ont vraiment peur. Nous, on est rationnels, on se dit, mais non, Poutine n'est pas con à ce point-là. Je vous assure que la moitié de la population occidentale, féminine, elle est terrorisée quand elle entend ce genre de truc. Elle se dit vraiment que Poutine, il va tout faire sauter. Vous savez, comme les bougnoules complètement tarés qui font sauter des avions en plein air, là. Vous voyez, ce genre de truc, quoi. Mais la terreur en Occident, on a pu la constater récemment avec la grippe, hein, Covid. Oui, à partir de rien, d'ailleurs. Voilà. Bah oui. C'est un élément important, parce que ça montrait la peur de mourir, mais à un point, mais... gigantesque, ce Covid, quoi. C'était ça, y compris chez des gens encore jeunes et bien portants. Et là, effectivement, c'est à mettre sans doute en regard avec vos réflexions sur le nombre de morts qu'il y a par jour et qu'on considère que c'est beaucoup, alors que finalement, dans l'histoire pas très très éloignée, il y avait beaucoup plus de morts tous les jours et pendant 4 ans, par exemple, puisque c'était Gandalf, tu avais pris l'exemple de la Première Guerre mondiale. Donc évidemment, le drame de la Première Guerre mondiale, c'est qu'au-delà du courage exceptionnel dont fait preuve les soldats, y compris ceux qui sont morts, bien sûr, eh bien, c'était une guerre fratricide entre Européens. Donc c'est pour ça que d'un côté, évidemment, bravo à ceux qui se sont battus, mais d'un autre côté, c'est tellement dommage. Et c'est surtout de la faute des politiciens, hein, de ceux qui auraient dû trouver des compromis plutôt que de se lancer dans une telle guerre fratricide. Et c'est ce qui est dommage également dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est pour ça qu'il faut que ça se termine bientôt. C'est que c'est une guerre fratricide entre chrétiens, slaves, blancs, bien sûr. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est ce que disait. Enfin, c'était un peu la même chose. Il faut que ça se termine vite, ok? Il faut que Poutine gagne vite en Ukraine. Il faut vraiment que ça se termine vite pour limiter le sang, parce que sinon, c'est rebelote 14-18, 39-45. C'est toujours le même truc. Il faut que ça saigne longtemps, etc. Non, il faut que ça aille très vite et que ça se termine très rapidement, okay, qu'on en a, et qu'on passe à autre chose, parce que c'est un point important. C'est que les gens ont l'impression que l'Ukraine a toujours été fanatiquement anti-russe, et ça, c'est pas vrai. Avant 2014, bon, il y avait des discussions, le rapport à la Russie, etc., mais c'était des discussions encore qui étaient rationnelles. C'est depuis 2014 que l'OTAN a sciemment radicalisé l'opinion publique ukrainienne contre les Russes. Donc il faut revenir à un minimum de rationalité. Que les Ukrainiens veulent être mettre chez eux, ok, d'accord, très bien, mais un minimum de rationalité. Parce que, et c'est ce qu'a dit Poutine, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il a dit, attention, c'est ce qu'il a dit aux Juifs Zelensky, plus vous attendez, plus je demanderai de vous. Ce qui est logique. Parce qu'il va gagner. Poutine va gagner. Mais les objectifs militaires de Poutine sont grosso modo déjà accomplis. L'armée ukrainienne n'a quasiment plus de moyens. Ils ne peuvent plus faire une contre-offensive. Ça, tu peux oublier. Ils sont en train de refermer la tenaille. En fait, soyons clairs, il n'est pas con, Poutine, hein. Il est en train de scinder la Roumanie en deux, c'est-à-dire que la plus grande partie de la Roumanie... La Roumanie ou l'Ukraine? L'Ukraine, pardon, excuse-moi. En fait, il est en train de scinder l'Ukraine en deux. La partie qui est la plus russophone va être sous mainmise de la Russie, et il va rester un espèce d'état croupion à côté de la Pologne, où les types vont gentiment pouvoir se revendiquer ukrainiens, ils pourront parler ukrainien, manger ukrainien, pisser ukrainien, chier ukrainien, mais ils n'auront rien. Et comme en plus c'est la partie la plus pauvre du pays, que les gens pauvres n'intéressent ni l'Europe ni l'OTAN, il faut bien se rendre compte qu'ils vont bouffer leur pain noir pendant quelques siècles. Mais là où quelque part je me marre, mais alors franchement ça me fait rigoler, c'est que si Poutine, et c'est parti, hein, dès que l'offensive sur Odessa sera partie, il récupère toute la Transnistrie, c'est-à-dire que la Transnistrie est désenclavée, elle est rattachée à la partie russophone de l'Ukraine, et bon, ben là, les jeux sont terminés, c'est fini. Hein. Je pense que les Moldaves aussi vont devoir se mettre un petit peu à parler russe. D'ici quelques temps. Mais les Moldaves représentent pas un danger pour la Russie. Les Moldaves, ils ont déjà été manipulés. Ils savent très bien. Ils n'ont pas confiance dans l'OTAN. Ils n'ont pas confiance dans l'Union européenne. Ouais, mais t'as suivi comme moi que leur gouvernement, dirigé par une femme d'ailleurs, a fait sa demande formelle d'adhésion à l'Union européenne cette semaine. Oui, mais t'inquiète pas. Tout le monde va le faire. La Géorgie va le faire. Ils ont fait déjà. Pourquoi pas la Bolivie tant qu'on y est, hein. Bon, il n'y a aucun souci. Le principe, il n'est pas difficile. Tu as le gouvernement en place et tu as la population. Le gouvernement en place, il va faire le blabla qu'on lui demande, mais ils n'iront pas plus loin. Je vais prendre un exemple. Comme la Moldavie n'est pas membre de l'Union européenne, Les imbéciles de Roumains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont distribué des centaines de milliers de passeports à tous les Moldaves, de passeports roumains. Donc les types, ils ont la double nationalité. Ils sont rentrés en Europe, ils ont vu le bordel que c'était, ils se sont grouillés de revenir. Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais bon, j'ai un pote moldave qui est venu à Bruxelles. Quand il a vu ce que c'était, il est resté 48 heures, il s'est tiré. Il m'a dit, mais il n'y a plus que des nègres chez vous. Ben oui, mais ça, il fallait bien s'en rendre compte. Et surtout, il m'a dit une chose qui m'a été droit au cœur. Il m'a dit, il faut comprendre une chose. Si je suis à Bruxelles, j'ai un job de merde, je suis considéré comme un esclave et j'ai un salaire de misère. Si je suis dans mon pays, j'ai un salaire de misère, mais pour mes voisins, je suis considéré comme un homme. Bah oui. Et ça, c'est ce que les connards de Bruxelles ne comprendront jamais. Mais qui sont pas des hommes, qui sont des homosexuels, hein, il faut le préciser aussi, ça. Oui, mais bon, je vais prendre. Bon, j'ai par accident abordé le sujet de la Roumanie. Un truc qui est particulièrement rigolo et sur lequel il faudra quand même un de ces jours que tout le monde se penche, c'est la chaîne Radio Roumanie Internationale. En fait, Radio Roumanie Internationale, tous les gens qui y travaillent ont des noms russes. La majeure partie des mecs sont pédés comme des phoques. Et le côté absolument extraordinaire, c'est que je crois qu'ils ont un problème nasal assez important. Mais je n'en dirai pas plus. Ok. Alors, avant de nous séparer, je voudrais quand même citer un juif très influent, qui est un journaliste, mais qui est aussi appartient à différents groupes de réflexion atlantistes, qui est basé à Londres, encore une fois, et qui s'appelle Ben Judah. Ça ne s'invente pas, hein. Il est juif, bien sûr, hein, au cas où vous posez des questions. Ben Judah, hein, donc le fils de Judas, littéralement, hein, vraiment, et qui résume un peu l'affrontement avec la Russie actuelle. Alors, il faut suivre ce genre de gars parce qu'ils sont à l'intersection de tous ces groupes de réflexion type Marshall Fund, donc le fonds Marshall, vous savez, hein, reconstruction de l'Europe, donc c'est mettre sous tutelle l'Europe, sous tutelle américaine, l'Europe après la guerre, vous voyez, ces structures ont continué et continuent d'exister, elles sont totalement sous la direction de l'OTAN, vous l'avez bien compris. Donc, Fund Marshall, Atlantic Council, il y en a d'autres, hein, évidemment, la RAND Corporation, je pourrais en citer comme ça encore assez longtemps. Et lui est un journaliste juif très influent basé à Londres qui a pour fonction, en fait, d'un petit peu d'organiser le discours anglophone occidental chez les interventionnistes de gauche. Alors voici ce qu'il nous dit. La vérité, ça c'est un tweet de cette semaine. La vérité est que la seule chose qui menacera de manière décisive de renverser la dictature de Poutine, c'est de lui ôter sa capacité à réprimer les Russes, vous en faites ce que vous voulez, et à faire la guerre aux Ukrainiens. C'est la décarbonation à toute vitesse de l'Union européenne. Donc sous-entendu, se débarrasser des énergies fossiles. Voilà. Donc, d'après lui, c'est ça l'enjeu. L'Occident verse à Poutine 750 millions de dollars par jour pour le pétrole, le gaz et le charbon, une aide bien plus importante que pour l'Ukraine. Et il continue comme ça dans sa discussion. Donc en fait, il faut bien voir que le Great Reset, le baratin autour du réchauffement climatique et le découplage vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine pour des raisons géopolitiques et politiques, tout ça c'est un seul et même programme au plan de l'Union européenne. Et c'est pour ça que cette semaine aussi, nous avons vu Greta Thunberg brandir, elle a 18 ans, mais visiblement elle est encore à l'école maternelle, je ne sais pas quoi, et elle dit voilà, grève scolaire pour le climat. I stand with Ukraine. Je suis avec l'Ukraine, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que le discours climatique accompagne le discours géopolitique qui accompagne les offensives de l'OTAN. D'accord ? Donc, tout ça est totalement cohérent et c'est le système sur lequel on crève. Hein. Pour ceux qui l'auraient complètement perdu de vue, je veux dire, quand vous subissez les bougnoules et les nègres au coin de votre rue, quand vous subissez la propagande LGBT, quand vous subissez le covidisme, c'est ce système. D'accord ? C'est ce système qui est à l'offensive contre Poutine, enfin Poutine est en contre-offensive contre ce système, mais vous avez compris que là, c'est je te donne un coup, je te rends un coup. C'est ce système-là, quoi, voilà. Donc, bon, c'est vite vu, hein. Je veux dire, moi, je vais pas jouer les pom-pom girls de l'OTAN, hein, en Ukraine, hein, sachez-le. Hein. Là, voilà, c'est clair et précis. Voilà, je suis pas russe, je vis pas en Russie, je connais pas la société russe, j'admire pas la société russe, particulièrement. Mais, attention, hein, je veux dire, moi, ce système-là, je veux sa peau, quoi. Je veux sa peau, hein. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, hein, mais moi je veux sa peau. Hein. Bah d'abord, ça tombe bien, il veut la tienne. Donc, voilà, oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est une espèce de... Oui, tout à fait. Et quelque part, en rebondissant sur les propos diaboliques, c'est les liens, nous avons un espoir. D'abord, nous avons constaté, comme on pouvait s'y attendre, que sitôt le chant des obus sifflant aux frontières de l'Ukraine, tous les métèques ont commencé à foutre le camp. Bonne nouvelle, ça, donc, une lueur d'espoir. Ça nous laisse quand même voilà, une petite lueur d'espoir. Deuxième lueur d'espoir, comme l'a dit Diabolix, en étant en Europe de l'Ouest, on est considéré comme des sous-hommes avec un salaire de merde. Alors, un salaire de merde, mais qui quand même, pour un Africain, reste confortable parce qu'il lui permet de faire vivre sa famille de parasites en Afrique. Hein. Je rappelle que les chiffres des transferts de fonds sont supérieurs à ceux de l'aide internationale. Mais si notre économie se casse la gueule, ce qui pourrait arriver avec toutes ces sanctions et le Great Reset, nous allons perdre ce qui faisait de nous un pays attractif pour le tiers-monde. Donc, quelque part, la catastrophe qui pointe à nos portes peut avoir, pour les plus pessimistes d'entre nous, cet aspect positif qu'elle rendrait enfin notre continent potentiellement indésirable aux parasites. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Hein. Si on devient vraiment une zone totalement radioactive à cause des échanges nucléaires, on deviendra enfin un white paradise, tu vois. C'est-à-dire qu'on sera définitivement répulsif pour toutes les races de mer. Ah bah, il y aura plus que les noirs briller des gens en souriant dans l'obscurité. Et bah, nous n'aurons même pas besoin de sourire pour briller. Hein. À propos de désert radioactif, hein, je remarque que sur Google, enfin sur YouTube, on n'entend plus cette espèce de charogne de rabbin qui expliquait qu'il est écrit dans la Torah qu'une grande guerre va avoir lieu entre les Blancs, entre l'Europe et la Russie, et que ce sera très bon pour les Juifs. On l'entend plus, le gars. Pourquoi ? Il se cache ? Je sais pas, peut-être qu'il a le Covid. Eh, hey, juif, tu te caches ? Sors ton trou, juif. De ton nez, tu veux dire. Et c'est curieux, parce que ces vidéos, à chaque fois, c'est le même topo, les commentaires sont interdits. Tu peux pas commenter ces vidéos. Ouais, c'est la liberté d'expression, bien comprise. C'est comme avec Russia Today, Sputnik News, hein, tu vois, la liberté d'expression en Occident, tu vois, le pluralisme des opinions, mais quand même pas trop. C'est-à-dire que quand tu es en désaccord avec le gouvernement, tu n'as quand même pas le droit de t'exprimer. Il faut quand même bien être clair. Voilà, c'est vraiment la démocratie bien comprise. Donc, la liberté d'expression, il faut bien expliquer ça aux goy. Oui, la liberté d'expression, pour les juifs, hein, ça a toujours été au cœur du truc. Ce n'est pas pour vous, hein, c'est la liberté d'expression. En fait, c'est sous-entendu, parce que c'est censé être une évidence, normalement. Mais la liberté d'expression, c'est bien celle des juifs. Voilà, ce n'est pas la vôtre. Voilà, donc, bon, bah, c'est bien posé, quoi, voilà. Donc on est quand même dans un moment historique important. Alors attention, parce que les conséquences géopolitiques et intérieures vont être considérables. Les gouvernements vont exploiter ça à fond pour faire passer toute une série de mesures d'urgence contre leur propre population. D'ailleurs, en Italie, ça a servi à proroger de 6 mois l'état d'urgence. Ne riez pas, c'est authentique. Donc ils passent du Covid au risque russe. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Donc voilà, hein, on est là-dedans. Ça y est, on est dans le très dur et on vous allez manger. Je préfère être gentil pour avertir quand même notre public. Les 10 prochaines années, ça va être ça, mais en bien pire. Donc, si vous avez l'impression que le prix de l'essence est très élevé, le prix du gaz est très élevé, le prix du blé, L'Ukraine, c'est 30% du blé mondial, hein, donc s'il y a des petits problèmes avec des tanks qui roulent dans les plaines ukrainiennes, sachez que le prix de tout ce qui comporte du blé va considérablement augmenter, hein, sachez-le. Hein. Donc voilà, on est là-dedans. Hein. Donc si vous dites que le gouvernement est actuellement particulièrement infect avec vous, qu'il réprime, etc., qu'il ment, qu'il vous empêche de vous exprimer, si vous avez l'impression que vos conditions de vie se détériorent, alors j'ai un gros scoop pour vous, ce n'est que le tout petit début de ce qui va arriver. À la fois au niveau de votre niveau de vie, parce que le coût de la vie va exploser à cause des matières premières. Donc déjà, c'est blé, pétrole, gaz. Alors faites des stocks à fond, ok. Ensuite, l'euro, ça vaut rien. Si Poutine fait rentrer un seul tank dans un pays balte, là, on est sur la zone euro, on est sur l'Union européenne, il n'y aura aucune riposte des États-Unis, donc la valeur de la monnaie d'une zone qui peut être envahie sans réaction, c'est très exactement zéro. Donc déjà, si Poutine a envie de détruire l'euro, ça le regarde. Donc évitez de garder des capitaux, parce que les capitaux vont fuir à toute vitesse la zone euro. À la minute où ça se passe, tous les capitaux quittent la zone euro, hein, toutes, mais sans exception. C'est la catastrophe, quoi. Hein. Donc les sanctions qu'ils prennent contre les Russes, c'est bien gentil, ça fait très très bien sur les gros titres. Par contre, Poutine a dans ses mains des moyens de représailles qui sont absolument colossaux et bien plus destructeurs que tout ce qu'a dans sa main l'Occident. Mais on est gouverné par des femmes, des homosexuels et des juifs, donc il n'y a pas de raison pour qu'on prenne des décisions à la con. On en prend cordialement. Voilà, donc les 10 prochaines années, c'est ça, mais en bien pire. Donc s'il vous plaît, faites des stocks, ne vivez pas dans des grandes villes, d'accord ? Évitez la diversité raciale, s'il vous plaît, et soyez prêts pour défendre votre peau, pour s'assurer que la race blanche continue d'exister en Europe de l'Ouest. Ayez un jardin, ayez une serre, nourrissez-vous de ce que vous produisez. Et ayez un T-34 dans votre cave, comme notre ami Diabolix. On a quand même un peu modernisé depuis, hein. Bon, j'ai rien contre les Panzers, hein, c'est-à-dire un Panzer 4, voilà, un truc sympa, quoi. Oui, mais le problème du Panzer, c'est que sous les climats de l'Est, ça progresse très lentement. Ouais, bah, écoute, on va faire avec ce qu'on a, À Noël, moi, je vais demander une douche-ka. Voilà, je vais présenter ma belle lettre au Père Noël Vladimir. Papa Vladimir, pourrais-je avoir une douche-ka pour Noël? Alors, je ne sais pas s'il va répondre positivement à ma demande, mais j'espère qu'il va répondre positivement à ma demande. Une belle, tu vois, hein? Bah, on verra bien. Peut-être que les Russes nous permettront de ressusciter une vieille tradition culturelle qui était la culture des bains publics, qui est toujours très vive en Europe de l'Est et qui s'est complètement perdue chez nous à l'issue des épidémies de peste à la fin du Moyen Âge. Et Dieu sait qu'il peut s'en passer des choses intéressantes, hein, dans les bains. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, j'ai divagué. À la semaine prochaine, chers amis.